Alors, on va pouvoir déclarer le colloque ouvert. Merci de votre présence. Je passe tout de suite la parole à Hervé Lugay, qui est vice-président pour le système informatique. Système d'information et usage du numérique. Voilà, système d'information et usage du numérique, ici à l'université de Toulouse 2, Jean Jaurès, et qui interviendra au cours du colloque, mais qui tout de suite va prendre la parole au nom de la présidence de l'université pour vous saluer. Bonjour, je ne vais pas faire un long discours, vu que l'important c'est quand même les échanges qui vont avoir lieu pendant ces journées. Donc c'est juste pour dire qu'au nom de la présidence et au nom du président Daniel Lacroix, nous sommes très, très intéressés, très attentifs à ce que ce genre d'événements, qui sont des événements éminemment transverses, soient organisés par notre université et arrivent dans notre université. En effet, ce que l'on remarque de plus en plus, c'est que ce ne sont pas... Enfin, le disciplinaire en lui-même est une chose bien sûr fondamentale, mais le transdisciplinaire, le pluridisciplinaire, ça dépend, est une chose qui se développe de plus en plus et qui définit les disciplines de demain. Donc cette synergie entre les arts, les sciences, la technologie, les neurosciences, tout ce qui peut être autour du développement de nouveaux types de systèmes et d'interactions, eh bien, c'est quelque chose qui nous semble important de valoriser et que cela se passe aussi ici chez nous. Ce n'est pas l'apanage de certains laboratoires ou autres, c'est vraiment quelque chose au niveau global de l'université. Voilà, donc l'important, ce sont les échanges qui vont avoir lieu. Je vais donc laisser la place au premier orateur. Je crois que c'est vous. Je vais faire une introduction. Donc, voilà. Merci. Bon, merci Hervé. Donc, voilà, ce colloque va démarrer. Hervé l'a souligné, ce qui était extrêmement important dans la conception de ce colloque, c'est cette transversalité entre des disciplines qui, a priori, n'ont pas forcément grand-chose à voir. Avec comme point commun la question de la création artistique et la façon dont justement la création artistique peut être un élément déterminant dans l'interrogation des nouveaux paradigmes qui émergent actuellement dans le domaine des sciences, que ce soit en particulier les neurosciences ou que ce soit les sciences de l'informatique, mais plutôt de l'informatique côté intelligence artificielle ou vie artificielle. Et voilà, l'objectif, c'est ça, c'était d'essayer de provoquer des échanges qui soient les plus riches possibles. En termes d'organisation, d'abord, voilà, quelques modifications par rapport au programme. Je suis désolé, je pensais l'avoir amené, le programme, mais... c'était coincé quelque part, je ne sais pas où, mais on le retrouvera, c'est pas grave. Alors, d'abord, aujourd'hui, cet après-midi, il y a une modification importante. D'abord, il y avait, avant cet après-midi, je dois excuser Bruno Chaudret, qui est... directeur du laboratoire de physique et chimie des nano-objets, qui devait intervenir sur la question de la création scientifique et qui a été retenu par une réunion importante à Paris. Sinon, en ce qui concerne cet après-midi, sur le programme, voilà, il était indiqué Jackie Rittmeyer présente. En fait, il y a une inversion. Ce qui va se passer cet après-midi, c'est un workshop musique qui va avoir lieu à l'espace Bellegarde. On vous donnera toutes les indications nécessaires d'un point de vue géographique pour vous rendre là-bas. C'est au centre, quasiment dans l'hypercentre de Toulouse. C'est pas très loin de la place Saint-Sernin. Vous avez pour les invités ou les intervenants extérieurs, vous avez un plan de Toulouse dans votre pochette. Je vous ai envoyé aussi un petit plan avec des repères. C'est vraiment un petit plan, je vous l'accorde, mais ça, en comparant avec le plan que vous avez dans votre pochette, vous devriez pouvoir vous y retrouver. Autre modification qui se concerne demain. Normalement, voilà, en début de matinée devait intervenir Jean-Pierre Goulette, ici présent. Et on a permuté pour des raisons d'avion avec Khaled Abida qui lui devait intervenir vendredi matin. Donc Khaled Abida interviendra demain matin à 9h et Jean-Pierre interviendra vendredi à 10h30. D'accord. 11h. Oui, enfin, c'est la séance de 10h30. Voilà. La séance de 10h30. Dernière modification pour l'instant. Sur le programme, il était marqué pour demain exposition au château. Pour différentes raisons, on n'a pas pu mettre en place cette exposition, mais en revanche, il y a une exposition à la, ce qu'on appelle la fabrique. Donc c'est ici sur le campus qui est l'espace d'exposition de l'université. Il y a une exposition pour les 40 ans du Centre d'initiative artistique du Mirail. Et donc on se rendra là-bas, mais c'est à quoi, à 2 minutes à pied d'ici, pour voir cette exposition. Voilà. Dans l'état actuel des choses, s'il n'y a pas de nouvelles défections, les festivités sont ouvertes. Donc je vais passer tout de suite, alors je vais modérer cette séance, je vais passer tout de suite la parole à Olivier Aubert. Ah oui, j'aurais pu faire les présentations, mais chacun va se présenter, ça va être plus simple. Tiens. C'est pas si simple. Juste un petit... Alors bonjour, merci à Xavier et l'équipe pour l'invitation. Je remercie d'autant plus que je suis une sorte de mouton noir de la recherche, je suis ce qui s'appelle un chercheur indépendant. Et alors c'est intéressant peut-être pour les étudiants de savoir ce que peut bien être un chercheur indépendant. C'est quelqu'un qui fait de la recherche contre vents et marées, qui n'est pas payé pour ça, et qui donc, peut faire bouillir la marmite à côté, par toutes sortes d'expédients. Ça existe, je suis encore vivant, ça fait 30 ans que je suis avec ce statut. Voilà, donc bon courage si vous avez un jour la foi suffisante pour emprunter ce type de vent. Alors moi, je vais vous présenter un exposé qui s'appelle « L'art à la recherche des perspectives optiques et anoptiques ». Alors, soyez tranquille, je ne vais pas traiter de ce sujet parce qu'il est énorme. Je vais en traiter de manière, je vais le traiter de manière totalement incomplète. Vous voyez qu'il est question de perspectives optiques, notamment, et la perspective qu'on appelle aussi perspective spatiale. la perspective spatiale, dont je me rappelle, a été inventée, réputée avoir été inventée par Filippo Brunelleschi vers 1413 à Florence, avec une expérience fondatrice dite de la Tavolata, où il a pu montrer à ses contemporains comment, pour la première fois, comment réaliser une construction en perspective, donc à savoir représenter une scène réelle, une architecture, des personnages, trois dimensions donc, sur la surface bidimensionnelle du tableau, d'un tableau, moyennant une construction géométrique qu'il a inventée. Et son expérience a été, on peut le dire, au moins un des top départs de la Renaissance, avec un peu plus tard l'imprimerie. Et à mon sens, la perspective spatiale est même à une importance sans doute plus grande, à mon sens, que l'imprimerie pour ce qui est de la formation de notre imaginaire. Et elle a eu des répercussions considérables, puisque cette construction géométrique de l'espace, on la retrouve ensuite dans les sciences, dans les technologies, bien sûr, le cinéma, photographie, cinéma, 3D, l'ingénierie, etc. C'est un événement considérable, c'est finalement ça a ouvert l'espace de la mesure. Maintenant, de nos jours, tout est mesuré, tout est paramétré, tout est quantifié. Quelque part, la perspective optique inventée par Brunelleschi y est pour quelque chose. Alors, l'art dans tout ça, s'il fallait traiter de ce sujet, je ne le traiterai pas. Il faudrait remonter aux prémices de la perspective. Sur peut-être quelques millénaires, commencer dans les grottes ornées du paléolithique, aller voir du côté de la Mésopotamie, de l'Égypte, de la Rome antique, la Grèce antique aussi, faire un tour par l'Extrême-Orient, puis arriver, bien sûr, à la Renaissance et à ses prémices au Moyen-Âge, Giotto, etc. Et continuer par l'ère baroque qui a joué beaucoup de la perspective spatiale, et puis enfin arriver à l'art contemporain, ou à l'art des deux derniers siècles, puis l'art contemporain. Et là, alors s'il fallait brosser vraiment le tableau de l'influence de l'art, du dialogue de la perspective optique spatiale avec l'art, il faudrait s'arrêter sur une quantité de noms, de courants artistiques, les futuristes. Il faudrait parler, sinon on pourrait parler de Duchamp vis-à-vis de cette notion. Et là, juste sur le nom de Duchamp, il faudrait écrire plusieurs traités pour explorer cette question. Bref, je ne traiterai pas de ce sujet. Je ne traiterai pas non plus de tout ce qu'on en a dit. Il faudrait parler de Nietzsche, ce qu'il a dit du perspectivisme, il faudrait parler de Kant, il faudrait parler d'auteurs plus récents. Il y a quantité de choses écrites sur cette question. Alors, plutôt que de parler de perspective optique et de la relation à l'art, je m'appesantirai sur un autre terme qui est là, qui est la question de la perspective anoptique. Alors, ça c'est des perspectives anoptiques, ça c'est un terme nouveau que je vais essayer de définir. Et il est aussi question dans ce titre de la légitimité. Et je vais essayer de montrer en quoi l'idée de perspective anoptique permet de repenser la notion de légitimité au sens le plus large qui soit. Est-ce que ça marche? Oui. Je commence par une petite citation de John Archibald Wheeler, qui est un physicien, un des pères de la bombe atomique à l'intérieur du projet Manhattan. Et j'aime bien cette citation, je vous laisse la découvrir. Car c'est un des rares physiciens de cette époque qui pensait en termes peut-être non positivistes, où il admet la place de notre ignorance. Et donc ce rivage de l'ignorance, c'est clairement le terrain de l'art, c'est là que l'art fait son œuvre d'exploration. Et dans la suite de mon exposé, je vais essayer de montrer en quoi notre ignorance, notre inconnaissance, peut être centrale dans cette construction des perspectives anoptiques. Je vais parler de plusieurs points successifs. Je vais commencer par le générateur poétique, repartir de cette expérience fondatrice pour moi, qui m'a amené à des développements théoriques que je vais essayer de vous livrer. Ensuite, je parlerai d'une théorie qui est la théorie de la simplicité et son rôle dans la modélisation de ce générateur poétique. Je prendrai en fait deux exemples. Je disais que je n'allais pas couvrir le sujet, je n'allais pas parler de tous les courants de l'art. Je ne prendrai que deux exemples. Outre le générateur poétique, j'en prendrai un deuxième qui fait moyennement partie de l'art, on ne sait pas, on peut en discuter, c'est entre l'art et le business, mais l'art a toujours un lien quelque part avec une forme d'activité économique. Donc c'est une expérience qui s'appelle Reddit Place, qui est assez récente. On y reviendra. Je terminerai par des considérations sur la théorie de l'évolution, et puis je finirai par des références. Alors, donc mon point de départ dans cette exploration des perspectives anoptiques, c'est une expérience que j'ai pu initier il y a 30 ans maintenant, plus de 30 ans, en 1986, qui s'appelle le générateur poétique. Certains peut-être en ont entendu parler. C'est une expérience qui est vue dans les bons ouvrages comme une des expériences fondatrices de l'art des réseaux, du net art. Elle a vu le jour avant même que le web existe, en gros 10 ans avant, sur les réseaux de l'époque, c'est-à-dire en France c'était quoi, le Minitel, tout simplement. À l'époque, j'utilisais ce que j'avais sous la main. Et ce générateur poétique, c'est quoi? C'est basiquement un jeu qui consiste à permettre à un ensemble de personnes de dessiner à plusieurs sur la même image. Alors, dit comme ça, c'est assez banal, il y a eu de multiples expériences de dessin collectif, que ce soit avec un support numérique ou tout simplement avec du papier et du crayon. Cette expérience du générateur poétique est un petit peu plus précise que ça. Il ne s'agit pas seulement de dessiner à plusieurs sur la même image. Il s'agit de créer une sorte de... de créer une sorte d'automate cellulaire où chacun dessinerait, enfin contrôlerait une case, une cellule de cet automate. Et changerait l'état de sa cellule en fonction de, comme bon lui semble, en fonction de l'état de ses voisines. Chacun voyant la totalité de l'image globale. Donc vous voyez, je rappelle ce que c'est qu'un automate cellulaire, hein, ça, c'est une notion assez ancienne, ça a été inventé, le premier à avoir cité les automates cellulaires, c'est von Neumann. Cette idée d'automate cellulaire a donné lieu au jeu de la vie de Conway en 1974 et a donné lieu à des tas de développements mathématiques, puis en vie artificielle, etc. Ici, donc, dans le générateur politique, il s'agit de faire un automate cellulaire 100% humain. Dans les automates cellulaires tels qu'on les connaît habituellement, les cellules sont contrôlées par des robots, disons. qui ont certains comportements en fonction des voisines. Là, il s'agit d'un automate 100% humain. Donc, je vais vous montrer une expérience. Alors, d'abord, je dis que cette générateur poétique fonctionnait sur Minitel, fonctionne aujourd'hui sur téléphone mobile. Donc ça doit être une expérience qui a 30 ans d'âge. Elle résiste encore maintenant, elle fonctionne toujours. Vous pouvez l'essayer sur l'adresse poietique.net. C'est à ma connaissance peut-être la seule œuvre ou expérience de cette époque qui persiste aujourd'hui. Alors voici un enregistrement accéléré de ce que donne ce générateur poétique. C'est très très accéléré. Alors je vais juste commenter rapidement. Là je veux voilà. Donc là il y a une seule personne qui occupe la totalité de l'image. Et puis là il y en a quatre. Et puis là il y en a 4x4, 16. Et oui, donc chacun contrôle un carré, un 16e de cette image et agit exactement comme bon lui semble en fonction de l'état de ses voisins. Chacun voit tout et est capable de se situer dans l'image. Donc il y a une sorte de boucle de rétroaction, de feedback, qui est absolument univoque puisque chacun sait exactement ce qu'il fait. Contrairement à la plupart d'autres expériences collectives où les gens sont noyés dans un collectif où il y a une superposition, quelqu'un fait quelque chose et puis c'est masqué par la trace de quelqu'un d'autre, on ne sait plus très bien où on en est. Là, il y a un feedback vraiment univoque entre l'état global de l'image et l'action de chacun. Alors vous voyez que ça s'auto-organise et qu'on arrive par exemple à 16 personnes à faire presque un monochrome à un moment. Et puis, personne n'a décidé que ça deviendrait rouge et qu'il y aurait des petits personnages comme ça, mais ils arrivent. Et ces personnages, enfin, c'est les scènes qui se dessinent, qui peuvent être abstraites ou figuratives, suivant les cas, semblent douées d'une sorte de vie autonome à laquelle chacun contribue, mais que personne ne contrôle en particulier. Il n'y a aucun un input extérieur à l'action des participants, il n'y a pas de robot, il n'y a rien qui décide à leur place, ce n'est que la pure interaction des acteurs humains. Et alors on verra un petit peu plus tard que cette interaction non seulement dessine des patterns de l'ordre visible, on voit apparaître des choses abstraites ou figuratives, mais aussi des patterns invisibles, temporels, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements, enfin des passages, d'une sorte d'ordre, de chaos à une forme d'ordre où quelque chose se dessine, semble vivre de sa propre vie. Si c'est un cheval, il va se mettre à vivre non pas d'une vie de cheval, mais d'une vie de représentation de cheval. Donc il va lever la patte, faire une roue, que sais-je, et puis peut-être muter en un taureau ou autre chose, et puis au bout d'un certain temps, il va ressombrer dans le chaos. Quelqu'un, par exemple, qui occupe une place privilégiée dans la figure du cheval, va reprendre son autonomie, va dire « moi je vais devenir tout rouge, tout vert, n'importe quoi », puis le cheval ne va plus ressembler à rien du tout, donc on ressemble dans le chaos. Donc il y a des mouvements un petit peu comme ça, entre l'ordre et le chaos, qui sont très intéressants à étudier et qui dessinent une sorte de pattern temporel qui m'intéresse beaucoup de modéliser. Donc je parlerai d'une modélisation de ceci. Alors je vais en venir à partir de cette expérience à la notion de perspective anoptique. Alors vous verrez sur Wikipédia une fiche correspondant au générateur poétique où il fait état de plusieurs expériences. Outre les premières sur Minitel, qui étaient en noir et blanc à l'époque, il fallait vraiment bien regarder ce qui se passe, parce que c'était quand même assez limité. Il y a eu d'autres expériences, dès 1995, je devrais dire 95, puisque je suis en Belgique, J'ai pu avoir la chance d'avoir accès à un réseau expérimental préfigurant IPv6, Internet version 6, c'est pour le protocole Internet version 6 qui est maintenant à peu près déployé, et encore incomplètement, permettant de faire un prototype de générateur politique totalement distribué. Il est possible, ce générateur politique est une sorte de modèle de l'interaction collective, tel qu'on en voit partout, je sais pas, le système financier, la bourse, etc. On a finalement un collectif qui agit sur quelque chose, qui forme une valeur émergente, qui est rediffusée vers l'ensemble des acteurs qui, à leur tour, modifient leur comportement, et cette valeur émergente fluctue. Voilà. Ce type de système d'interaction collective, on peut le faire sur deux types de réseaux. On peut le faire sur un réseau de type centralisé. C'est comme ça qu'a été faite la première expérience à base de Minitel. Voilà. Simplement, c'est Minitel qui sont des terminaux bêtes, qui ne font que de l'affichage et qui saisissent, qui vous donnent une interface. Et puis, il y avait un serveur central qui vers lequel convergent toutes les informations, qui fabrique l'image, qui affiche l'image, donc qui fait la boucle de feedback. La première expérience a été faite sur un serveur centralisé, et donc en 95, en 95, j'ai pu faire une expérience, un prototype, sur un réseau distribué, mais alors totalement distribué, c'est-à-dire ce qu'on appelle peer-to-peer, pair-à-pair, qui a permis de faire vraiment cette expérience, en gros, pratiquement, les gens téléchargeaient un logiciel, une sorte de petit pad graphique, lançaient le pad graphique et se retrouvaient dans cette espèce d'assemblée distribuée, sans l'intermédiaire d'aucun centre physique. Aucun point de recoupement de l'information, donc chacun est en contact avec tous les autres sur le réseau sans médiation aucune de quelques centres physiques. Et donc les expériences ont continué, malheureusement ce réseau distribué expérimental ne s'est pas développé commercialement, et donc j'ai fait ensuite une version web app, qui est maintenant celle que vous avez sur téléphone mobile, et qui permet de faire ce type d'interaction. Alors, en fait, quand j'ai vu que ce type d'interaction collective temps réel pouvait être réalisé sur ces deux types de réseaux, cela m'a plongé dans une réflexion, des abîmes de réflexion. D'abord, je me suis dit, un réseau centralisé, c'est intéressant, ça ressemble à la perspective optique de la Renaissance, à la perspective spatiale. Parce que dans la perspective spatiale, vous avez un point de fuite, vous voyez, qui organise la construction géométrique. Je me suis dit, mais dans un réseau centralisé, c'est pareil. Vous avez un serveur, un point physique de recoupement d'informations qui organise l'interaction. Tiens, ça ressemble à la perspective optique de la Renaissance. Mais, bien sûr, il ne s'agit plus d'une construction géométrique, il s'agit d'une construction cognitive, on pourrait dire, qui est à l'œuvre, et aussi une construction temporelle. Il y a dans le point de recoupement d'information, dans le serveur, émergence de quelque chose de l'ordre de l'imprévisible. On verra dans quelle mesure c'est imprévisible. Et en tout cas, il y a émergence d'une sorte de temps propre, de temps subjectif, qui rétroagit vers le groupe. Et donc, il ne s'agit plus de représenter l'espace, il s'agit de représenter le corps social communiquant à la vitesse de la lumière. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait pratiquement dans les réseaux? Eh bien, on crée un point de recoupement d'informations, on met un serveur qui est, à mon sens, l'équivalent du point de fuite de la Renaissance. C'est un point de fuite non pas spatial, mais temporel. Et donc, j'ai appelé cette construction de réseau centralisé, j'ai appelé ça une perspective temporelle. Et puis, je viens de le dire, il est possible de faire la même chose sur un réseau distribué. Alors, quand on fait ça sur un réseau distribué, il n'y a plus de centre. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, mon histoire de perspective, ça ne marche plus. Et puis, quand on regarde pratiquement comment ça fonctionne, ce type de réseau, on se rend compte que ce qui se substitue au centre physique, c'est simplement une sorte de code. Une sorte de code commun, de signe de reconnaissance, on pourrait dire, complètement arbitraire, qui permet à l'ensemble des acteurs de se reconnaître à l'intérieur du réseau. Alors, ça peut être une clé cryptographique, un hashtag, quelque chose qui permet de se reconnaître. Et à partir de ce moment-là, c'est l'ensemble du réseau qui se débrouille pour acheminer les communications et faire en sorte que ça, que l'interaction soit cohérente. Et alors là, je me dis, bon, il ne s'agit plus d'une perspective temporelle, il s'agirait d'une perspective d'un autre ordre, qui n'aurait pas un point physique comme point de fuite, mais ça sera quoi, le point de fuite? Ça sera simplement un code. Un code arbitraire qui organise une perspective qui n'est plus seulement spatiale, qui n'est plus seulement temporelle, mais qui est numérique. Donc j'ai appelé ça un code de fuite numérique, une perspective numérique. Et ces deux perspectives, je les ai ensuite appelées anoptiques, en relation avec la perspective optique de la Renaissance. Voilà. Donc je résume ici cette idée que finalement, à mon sens, depuis que nous avons inventé les réseaux artificiels, en gros depuis 200 ans, le télégraphe de Chappe, etc., et puis de manière exponentielle maintenant depuis quelques décennies, on a inventé avec ces réseaux artificiels deux nouvelles perspectives, analogues à celles de la Renaissance, mais qui sont anoptiques, et qui permettent de créer des représentations d'un ensemble d'acteurs, d'un ensemble d'agents, interagissant les uns avec les autres en temps réel. Et alors ce qui est incroyable, c'est qu'on a créé ces réseaux artificiels sans... et donc les perspectives en question, sans le savoir, tel Monsieur Jourdain. C'est peut-être que maintenant qu'on se dit, tiens, qu'on pourrait se dire, tiens, c'est rigolo, ça ressemble à la perspective de la Renaissance. Et ce n'est pas sans conséquence. Moi, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, la perspective de la Renaissance, ça a été le top départ vraiment d'un changement de civilisation. Et je pense que l'émergence de ces perspectives analytiques aujourd'hui pourrait être le top départ d'un nouveau changement de civilisation, à condition que... Enfin, il y a des conditions pour ça. Parce que vous vous souvenez qu'à la Renaissance... Piero La Francesca, Alberti ont théorisé ce qu'ils ont appelé la perspective légitime, à savoir une construction légitime de la représentation, donc une construction géométrique permettant de calculer la taille des personnages, des bâtiments en fonction de la distance, leur distance respective au point de vue, à l'œil du peintre. Et tout ça vient par l'intermédiaire du point de fuite qui est lui arbitraire, fixé quelque part dans le tableau et qui représente l'infini, l'inconnaissable, situé là, quelque part, mais qui est inatteignable en quelque sorte. Voilà, la condition, à mon sens, pour que ces perspectives anoptiques puissent être le départ d'un renouveau de civilisation, ce serait d'inventer une construction analogue à celle de la Renaissance, une construction légitime de ces perspectives. Alors bien sûr, ça ne serait plus une construction géométrique, on n'est plus dans l'univers de la géométrie, de l'espace, mais ce serait une construction cognitive. Dès lors, on peut se poser la question de savoir donc, quels sont les critères de légitimité des perspectives anoptiques, et c'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment mon sujet de recherche, et je vous le livre parce que je pense que c'est, comment dirais-je, je suis loin d'avoir découvert tous les aspects de cette question. C'est une question énorme qui conduirait, à mon sens, à vraiment redéfinir la notion de légitimité. Et la notion de légitimité, vous savez bien qu'on la retrouve partout, en sciences politiques, en éthique, dans plein de domaines. Et là, je passe quelques citations d'un livre qui est paru l'année dernière de Jean-Louis Dessalles, Cédric Docherel, Pierre-Henri Bouillon. Il est clair qu'aujourd'hui, donc, nous construisons des réseaux artificiels, nous construisons toutes sortes d'artefacts, nous agissons sur les neurones, sur les bits, sur les gènes. Tout ça, ce sont des réseaux que nous avons la capacité de véritablement modifier le vivant, modifier nos interactions sociales. Nous agissons, nous sommes des designers de toutes sortes de systèmes qui sont des réseaux, parfois distribués, parfois centralisés, parfois décentralisés. Et la question aujourd'hui, pour éviter le pire qu'ils évoquent ici dans cette citation, à mon sens, ce serait de trouver la légitimité des réseaux que nous sommes en train de construire et qui nous construisent en retour. Alors, mes recherches m'ont amené à proposer des critères de légitimité cognitifs pour ces constructions panoptiques. Je vous les livre ici de manière très résumée. Pour moi, il y aurait trois critères. Donc, j'ai appelé le critère A, et je les ai appelés A, A, B, A, B, C, A étant le nombre d'acteurs, A, B, A, B, C étant le nombre d'acteurs impliqués, A étant le premier acteur, donc vous et moi. Le premier critère A serait le suivant, donc est-ce que A a accès au réseau, un accès réel, et est-ce que A peut quitter le réseau, cette liberté de quitter le réseau. C'est pas rien comme condition, parce qu'il y a beaucoup de réseaux dans lesquels vous pouvez rentrer, mais vous ne pouvez plus sortir. Il y a beaucoup de réseaux dans lesquels vous ne pouvez pas rentrer. Pour une raison ou pour une autre, il y a des barrières à l'entrée, il faut montrer patte blanche. Bon. La question de l'accès, donc, et du retrait. Aussi la question de la... comment dirais-je... de la... le terme viendra plus tard. Mais donc, est-ce que, une fois que je suis rentré dans un réseau, je peux le quitter? Ça veut dire, est-ce que je peux remettre les pendules à zéro, quoi? C'est une grosse question. Si vous avez commencé à vous mettre un implant dans le cerveau, est-ce que vous pouvez le retirer? Est-ce que ça, vous retrouvez l'état antérieur? Ben, non. Donc le critère AB, ce serait dès lors qu'il y a deux acteurs dans le réseau, A et B, est-ce que A est traité comme B? Ou B est traité comme A? Y compris les gens qui conçoivent le réseau, l'organisent, l'administrent, voilà. Par exemple, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, n'est pas traité comme n'importe quel A ou n'importe quel B. Oui. Donc là, il y a un problème. Donc Facebook, à mon sens, sur ce point, ne serait pas légitime. Sur le plan du critère A, il l'est plus ou moins. N'importe qui peut rentrer dans Facebook et n'importe qui peut en sortir. Sauf que, au passage, Facebook retient tout votre réseau social et que vous avez perdu tous vos contacts, vos adresses, vous ne pouvez plus... voilà. Vous pouvez plus rien faire. Il faut tout reconstruire à côté. Voilà. Et le troisième critère, qui est ABC, là, qui concerne donc trois acteurs, c'est l'idée de dire que si trois acteurs A, B et C sont appartenant au réseau, Et en faisant l'hypothèse que le réseau en question répond aux deux premiers critères, ce qui est déjà très très difficile, ces trois acteurs A, B et C se reconnaissent-ils comme pairs ? C'est-à-dire que la question est de savoir si vous rentrez dans un réseau artificiel idéal, est-ce que pour autant on va se reconnaître ? On va se reconnaître en tant que, qu'être humain, par exemple. En tant que robot, ou en tant que cyborg, ou en tant que... Est-ce qu'on va, on va être... est-ce que le fait de rentrer dans un réseau nous crée un véritable lien, une identité, une communauté ? C'est pas évident non plus. Ça veut dire que derrière, il y a cette question du point de fuite. C'est-à-dire, vous rentrez dans un réseau distribué, par exemple, il y a un code de fuite. Pour avoir accès à un réseau, il y a donc cette idée de mot de passe, de code arbitraire qui vous permet d'échanger. Est-ce que ça suffit à faire lien ? Est-ce que ça suffit à faire communauté ? Pourquoi on est là ? On est là parce que le réseau est rapide, efficace ? Est-ce que ça suffit à faire lien, à faire communauté ? On est là parce que c'est sympa ? Est-ce que ça suffit ? Enfin, il y a plein de raisons. Il y a beaucoup de réseaux sont créés aujourd'hui parce que on place là-dessus un peu comme des stickers sur le point de fuite en disant parce que c'est rapide. Vous voyez cette idée d'efficacité. Parce que c'est efficace. Parce que toutes sortes de raisons comme ça. Mais derrière, il y a une inconnaissance radicale. Il y a ce code de fuite, c'est comme le point de fuite de la Renaissance. C'est vraiment l'infini. C'est-à-dire que vous avez beau essayer de le déterminer, pourquoi on est ensemble ? Personne n'est capable de répondre à la question. Et pourtant, l'économie, la politique passe son temps à vous dire pourquoi on est là, parce que nous sommes des consommateurs, alors il faut bien consommer, il faut plus consommer, parce que nous sommes parce que nous payons des impôts, nous sommes des citoyens, oui, mais c'est quoi des citoyens, enfin, voilà. Je vais continuer ici en abordant, je ne sais pas sur combien de temps j'ai encore, il n'est pas là, David. C'est qui le maître du temps ? Il a disparu. J'en suis à combien de temps ? J'ai aucune idée. Je suis déjà une demi-heure, enfin, j'en suis à la moitié. Bon. Alors, Xavier, je vais passer rapidement le reste. Alors, vous pourrez voir sur Archive un article que j'ai coécrit avec Jean-Louis Dessalles et Antoine Salinfest qui aborde une modélisation de ce qui se passe dans le générateur politique. Et ça a un rapport avec cette question de la légitimité, de la construction cognitive des perspectives. La question est de savoir donc comment, pourquoi un réseau de ce type s'auto-organise. Et nous avons proposé une modélisation qui fait un certain nombre d'hypothèses sur la nature des acteurs, à savoir vous et moi. Qui sommes-nous et comment interagissons-nous dans un type de réseau de ce type, de ce genre ? Et tout est construit sur la théorie de la simplicité, qui est une théorie que vous pouvez trouver sur Wikipédia, une entrée, théorie de la simplicité. L'idée est de dire que les acteurs humains, vous et moi, sommes particulièrement sensibles à l'inattendu. L'inattendu serait notre moteur cognitif. Et cela expliquerait beaucoup de choses, notamment pourquoi nous passons beaucoup de temps à parler. Chacun d'entre nous prononce en moyenne 6000 mots par jour. Toi, la machine à café, n'importe où. Ça peut aller jusqu'à 40 000 ou plus, ce qui est un investissement cognitif et temporel, énergétique énorme. Et très peu de... Enfin, il n'y a pas réellement de théorie, et jusqu'à présent, je crois qu'il répondait clairement à la question de savoir pourquoi nous sommes engagés dans une telle dépense d'énergie langagière. Et la théorie de la simplicité peut apporter un éclairage là-dessus. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça conduit à des développements mathématiques. L'inattendu U, donc unexpectedness, serait la différence entre la complexité du monde, c'est-à-dire CW, la complexité du world, moins la complexité subjective de l'individu. C'est-à-dire que plus le monde est complexe et plus la situation décrite est simple, et plus l'inattendu, la différence de complexité est importante. Et donc, nous sommes donc très très sensibles à cette complexité, à cette inattendue, et nous, dans la conversation, nous recherchons à maximiser l'inattendu, donc par exemple à rapporter des faits inattendus. Ah, c'est marrant, j'ai retrouvé mon collègue de bureau par hasard au sommet de l'Annapurna, ou en vacances à Ouagadougou, alors qu'on ne savait pas. Bon, des trucs comme ça. Et ça alimente nos conversations et ça donne du grain à moudre. Tout ça est lié aussi à une théorie du langage qui est due aussi à Jean-Louis Dessalles. L'idée est que le langage serait né, la théorie du langage, théorie de l'acteur que nous sommes, le langage nous serait né, enfin serait né aux derniers hominidés ou aux premiers hominidés à la suite de l'éruption des armes. Les armes auraient, selon Dessalles, modifié nos relations sociales à un point tellement profond qu'il nous aurait obligé à changer de stratégie évolutionnaire, et notre nouvelle stratégie évolutionnaire aurait été tout simplement le langage qui nous est propre. Pourquoi ? Parce que avant l'irruption des armes, ce qui prédominait, c'était la loi du plus fort, qui structurait la horde entre les dominants, les dominés, etc., les mâles alpha, les couples alpha, et tout ce qui s'ensuit. Et puis, dès lors que des armes sont apparues, le meurtre est devenu beaucoup plus facile. C'était très très simple de venir la nuit avec un caillou et un truc, et faire toc. Et donc, l'ordre social s'est trouvé perturbé à un tel point qu'il a fallu inventer une nouvelle stratégie de survie, et que les individus qui avaient certaines capacités pré-langagières ont été sélectionnés pour continuer l'aventure. Notamment cette capacité de trouver dans l'environnement des faits inattendus et les désigner aux congénères par un geste de la main, un bord de rythme quelconque au début, et puis par des mots de plus en plus articulés. Et alors, voilà. Bon, je passe très rapidement là-dessus, c'est un sujet en soi. En tout cas, cette modélisation à partir de la théorie de la simplicité permet notamment c'est ce qu'a fait Jean-Louis Dessalles dans un papier que je vais citer derrière en référence, a permis de montrer que, en fait, les individus que nous sommes, en gros, voilà, ce que vous avez là sous les yeux, c'est une sorte de modélisation de la lutte des classes. Nous sommes, en fait, chacun, dans ses actes de langage, tente à augmenter la taille de son réseau social. Pourquoi ? Parce que augmenter la taille de son réseau social, c'est une sorte d'assurance-vie. Dans le contexte des hominidés dont je parlais tout à l'heure, plus la taille de votre réseau social est importante, plus vous avez de chances de rester en vie. Et ça s'est imprimé au tréfonds de notre inconscient. Ça justifie le fait que nous passions tellement de temps à parler pour ne rien dire, mais tout ça pour augmenter la taille de notre réseau social. Alors il y a des gens qui ont un gros réseau social et puis d'autres qui en ont un plus petit. Et donc c'est là en abscisse vous avez la taille du réseau social. Donc à droite, les gens qui ont un gros réseau social. À gauche, ceux qui ont un faible réseau social. On trouve aussi des nouveau-nés à gauche. Et sur l'axe des ordonnées, vous avez la quantité de signaux émis, en gros. Et vous voyez que dans ce modèle, en fait, c'est pas linéaire. C'est-à-dire que les gens à droite ont un fort réseau social, mais émettent relativement peu. Et par contre, ceux qui sont dans la branche, dans la partie intermédiaire, fortement pentue de la courbe, ont un réseau social moyen, mais émettent de manière linéaire de plus en plus en fonction de leur réseau social. Et puis à gauche, ils n'émettent pas beaucoup. En fait, il y a deux parties non compétitives dans cette courbe, à gauche et à droite. Vous voyez que les individus, on pourrait les dire les élites ou les dominants, ou on peut les appeler de différentes manières, à droite, ne sont pas trop en compétition les uns avec les autres. Par contre, il y a une partie intermédiaire qui est extrêmement compétitive, les classes moyennes, on pourrait dire, et nous sommes tous en compétition pour émettre des signaux de façon à augmenter la taille de notre réseau social. Bref, dans le papier que nous avons coécrit, qui part donc de ces hypothèses sur notre cognition et sur notre langage, nous sommes arrivés à modéliser ce qui se passe dans le générateur politique et nous avons créé une sorte de modèle informatique du générateur en remplaçant les acteurs humains par des robots qui agissent suivant ce modèle de la cognition. Et donc, à gauche, vous avez... c'est bizarre, pourquoi j'ai pas... Non, c'est animé, non, ça s'anime pas. À gauche, en fait, chacun des petits carrés, là, des pixels, est un robot qui agit en regard de tous les autres, suivant ce modèle cognitif. Et il reproduit, ce qui est intéressant, c'est qu'il reproduit la dynamique temporelle réelle observée du générateur politique avec des acteurs humains. C'est-à-dire qu'on voit apparaître, donc c'est cette courbe-là, une succession de moments d'ordre et de chaos qui semblent être assez proches de ce qu'on observe dans la réalité, ce qui tend à suggérer que les bases théoriques sont pertinentes. Mais ce n'est évidemment que... qu'une étape de recherche, il y aurait, évidemment, c'est comme je disais, il y a beaucoup de... Le rivage de notre ignorance est très très étendu sur ces questions, c'est extrêmement complexe. Tout ça n'est pas sans rappeler les mesures que Francisco Varela faisait il y a 20 ans avant sa disparition, mesurer la taille des assemblées de neurones sur les cerveaux de pigeons. Et il voyait qu'effectivement il y avait des fluctuations de ce type. Je pense qu'il y a des choses à faire, il y a des liens, des ponts à faire avec les neurosciences sur ces questions. Voilà. Pour finir, je vais prendre un autre exemple, je vous l'ai dit. Alors, emprunté non pas à l'histoire de l'art contemporain, mais à quelque chose d'intermédiaire entre l'art et le business, c'est Reddit Place. Reddit Place, c'est une sorte d'expérience de dessin collectif qui a été lancée par la plateforme américaine Reddit, qui est extrêmement populaire, c'est vraiment du business, puisque son côté 500 millions de dollars en capitalisation. Et donc, ils ont lancé ça pour le 1er avril. C'est un peu une blague, le 1er avril 2017. Il s'agissait de permettre aux gens inscrits sur la plateforme de dessiner à plusieurs sur la même image, mais avec des règles assez différentes de celles du générateur politique. L'idée, c'était simplement que chacun pouvait placer un pixel où il le voulait, toutes les quelques minutes, n'importe où, dans une matrice de je ne sais plus combien, de milliers de pixels par milliers de pixels. Et voilà ce qui se passe. Donc, ça ressemble vaguement à ce qui se passe dans le générateur politique. Évidemment, l'échelle est complètement différente, puisque dans le générateur, malheureusement, j'ai jamais réussi à avoir plus de quelques dizaines de personnes en même temps pour une raison X, et, enfin technique en tout, bien que ce soit possible théoriquement. Là, c'est quelques milliers c'est 1,5 million de personnes qui sont passées déposer des pixels sur cette image en quelques jours. Alors, vous voyez que dans cette image, en fait, on a assez vite une sorte d'... Ce qui apparaît, ce sont des sortes d'archétypes, des drapeaux, des personnages connus, bon, la Joconde, etc., etc., qui sont comme juxtaposés. Une fois qu'ils se sont posés là, ça n'évolue plus guère, ça se fige, c'est un peu chacun chez soi, quoi. Et il faut savoir que derrière chacun de ces archétypes, chacun de ces motifs, il y a un sous-forum de Reddit où les gens se coordonnent pour défendre qui est le drapeau américain, qui est la Joconde, qui ceci, qui ça. Donc il y a des espèces de coalitions qui sont formées sur cette image. Et des luttes d'influence. Donc c'est une bonne image de la guerre. Et puis, quand on regarde dans le détail, c'est plus compliqué que ça. En fait, cette image, les journalistes y ont vu du feu. Il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis là-dessus. Ils se sont pas rendu compte qu'en fait, cette image vendue comme une œuvre de création collective est en fait bourrée de robots. C'est-à-dire que derrière, il y a les opérateurs de Reddit ou d'autres du jeu. Qui, de façon à ce que l'image soit cohérente, au bout d'un moment, désigne une zone qui est arrivée à se stabiliser, en disant celle-là, on n'y touche plus, et il lâche des robots qui viennent effacer les actions destructrices. Mais des robots qui se font passer pour des humains, vous voyez ? Donc, voilà, c'est tout ça est tout à fait manipulé par. Par qui ? Eh bien, les opérateurs du point de fuite temporel, parce que ça, c'est un réseau centralisé. C'est une perspective anoptique centralisée. Et à mon sens, qui n'est pas légitime, ne serait-ce qu'en relation avec le critère AB, c'est-à-dire que tout agent A n'est pas traité comme B, y compris les opérateurs du réseau. Les opérateurs du réseau manipulent le truc pour leur propre fin, à savoir montrer comme ils sont forts, comme c'est beau, et comme ils ont réussi à faire une grande action collective. Tout ça, je termine en disant que la grande question éthique derrière, justement à partir de cette modélisation des acteurs sociaux et de cette lutte des classes, si j'ose dire, cognitive, c'est que la question c'est, là vous voyez les acteurs à droite, là, ceux qui sont les dominants, les élites, ce sont eux qui possèdent la technologie, qui possèdent les réseaux, pour des questions économiques, entre autres. Et évidemment, qui manipulent les réseaux dans leur propre fin, et c'est ce que j'appelle globalement la triche vectorielle. La triche vectorielle qui est un phénomène majeur et récurrent, qu'on voit partout, donc qui se manifeste de plein de manières, ne serait-ce que lâcher des robots dans Reddit Class, comme je viens de vous le montrer, et qui pose des vraies questions éthiques, et qui les poseront de manière de plus en plus aiguë au fur et à mesure que les réseaux et les interfaces se rapprocheront de notre corps jusqu'à l'envahir. Si ces réseaux et ces interfaces nous aliènent à des groupes qui les manipulent, évidemment, c'est éthiquement difficile. Et je continue en disant, justement en posant pour finir cette question de notre stratégie évolutionnaire. Donc, comme je le disais à un moment, le langage a constitué notre stratégie évolutionnaire quand les armes sont apparues. Aujourd'hui, avec les perspectives anoptiques, les moyens, disons, de nouvelles armes sont entre nos mains. Ces réseaux, ces interfaces, ces objets invasifs, s'ils sont manipulés par certaines personnes au détriment d'autres de manière illégitime, nous allons en fait passer de cette courbe en S qu'on a vue tout à l'heure, modélisée ici, cette courbe en S, elle a tendance à s'affirmer encore plus. Donc la courbe en S noire, si on y prend garde, elle va se transformer en courbe en S rouge. Il faut savoir que cette classe dominante qui manipule les réseaux par triche vectorielle va devenir de plus en plus élevée, de plus en plus réduite en nombre. Donc on le voit, il y a une concentration de pouvoir terrible entre les mains, on parle beaucoup des GAFA, etc. Qui est vraiment problématique d'un point de vue éthique, et à mon sens tout l'enjeu de la prise de conscience des perspectives anoptiques et de leurs règles de légitimité est de transformer notre stratégie évolutionnaire, transformer légèrement notre capacité de langage, de façon à passer de cette courbe en S rouge à la courbe en Z verte, qui permettrait d'avoir une classe moyenne un peu moins compétitive, d'avoir une classe dominante, ou disons des élites qui n'étaient antérieurement, enfin qui sont aujourd'hui relativement non compétitives, de les transformer en une élite compétitive, et puis les laisser pour compte à gauche, de les faire grimper le long de l'échelle le plus vite possible. Voilà, et pour la suite de mes recherches, juste un mot, donc je citais mon collègue Jean-Louis Dessalles, qui est pour ce qui est la théorie de la simplicité et la théorie du langage, donc je continue à travailler avec lui. J'ai un autre collègue là, qui s'appelle Dietrich Hertz à Bruxelles, qui travaille sur la cognition quantique, qui m'inspire beaucoup, et puis il y a d'autres personnages qui m'inspirent, comme Gérard Tikouf sur les automates quantiques. Si tu me prêtes vie, je continuerai à développer mes petites recherches avec eux. Et voilà pour les références, et puis je vous remercie. Bien, merci Olivier. Toutes mes excuses, j'ai dû m'absenter quelques minutes parce que j'ai une autre réunion en cours en même temps. C'est un peu la panique. Donc, je propose qu'on fasse la discussion à l'issue des trois interventions. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Edwige Armand, qui va se présenter elle-même. Edwige Armand, je suis docteur en arts plastiques, donc ça va être un peu différent de l'artiste et chercheur. Et ma présentation va être un peu différente parce que c'est un texte que j'ai écrit suite à une exposition au sortir. Donc j'abordais en fait tout simplement la dernière pièce que j'ai réalisée. C'est une pièce que le Centre d'art Lelay m'a demandé de réaliser pour le FIAC 2017, qui a eu lieu le 8, 9 et 10 septembre, avec la particularité que les expositions ont lieu chez les habitants. Le thème de l'exposition demandait de partir d'un livre, et le projet m'a été proposé en février, et j'ai rencontré ma famille d'accueil le 10 juillet. Et de février à juin, je ne savais toujours pas ce que j'allais réaliser, ni sur quel livre j'allais partir. Le 7 juin 2017, on annonce la mort de Michael Gibson, ancien critique d'art du New York Times, un ami et une personne pour qui j'avais réuni une équipe autour de son dernier livre. Michael Gibson avait quitté sa carrière pour écrire des livres, il s'intéressait à l'émergence de la conscience et de la pensée symbolique. Lorsque j'ai rencontré, c'était pour parler de Bergson, de l'instinct, de l'intuition et de l'intelligence. Michael déplorait le fait que nous avions privilégié l'intellect, la rationalité, au détriment d'autres formes de connaissances, notamment l'imaginaire, qui pour lui offrait un rapport au monde en particulier. Michael venait de finir d'écrire un dernier livre, lorsque je l'ai rencontré, abordant ses recherches sur l'émergence de la conscience. Seulement, il était en anglais. Et j'ai décidé de rassembler une équipe de traducteurs amateurs pour que nous puissions avoir une version française. Et la première phrase du livre là, qui s'affiche commence par « Je suppose que c'est à cause des papillons ». Et lorsque mon annonçation décès, j'étais en pleine correction de mémoire d'étudiant, et sur une deuxième page, une image d'un papillon bleu, le morpho, était affichée. Et tout de suite, en fait, j'ai compris que j'allais travailler sur le dernier livre non publié de Michael. Donc le livre qui s'intitule « Le rapport envoyé de la troisième planète » est un récit fictionnel où des extraterrestres cherchent des traces de conscience. Et ces extraterrestres s'arrêtent sur Terre, non pas à cause des humains, mais à cause des papillons qui leur ressemblent et pour leur beauté. Seulement, ces papillons se reproduisent avec l'aigle, le cheval et le poisson. Et donc j'ai décidé de recréer ces étranges créatures qui nous observent et de travailler avec des papillons qui porteraient la trace de l'aigle, du cheval et du poisson. Donc, après m'être assurée que ma famille d'accueil, donc c'est eux, accepterait d'avoir des papillons chez eux pour l'exposition, je suis partie en Croatie, dans le centre de Miroslav Radman, qui a été entre autres directeur de l'INSERM à Paris et académicien des sciences. Donc, le gouvernement croate lui a donné une ancienne dépendance de Tito afin qu'il puisse expérimenter sa recherche en biologie de manière originale. Miroslav s'intéresse à l'immortalité des cellules humaines, mais aussi au ralentissement du vieillissement. Et les personnes de son équipe ont une approche tout autre de la mort, puisqu'ils refusent littéralement de mourir et de vieillir. Et donc ils cherchent d'autres espèces animales et végétales qui pourraient avoir des propriétés moléculaires pour faire se régénérer des cellules humaines. Et pour l'instant, ils ont réussi à se faire régénérer des cellules humaines, mais aussi un rat, des rats de manière entière. Donc là-bas, j'ai extrait les ADN de l'aigle, du cheval et du poisson, afin de les poser sur les papillons et leurs chrysalides, et créer symboliquement les papillons qui nous observent. Donc j'ai rencontré un éleveur qui s'appelle Pascal Proust, qui a accepté de participer au projet pleinement, même parce qu'il a risqué sa licence, vu qu'exposer des papillons exotiques chez des habitants est complètement interdit. Donc là, nous avons exposé 50 papillons, là il y a les chrysalides, dans la maison des accueillants. Et nous avons créé une volière dans la salle à manger, un laboratoire présentant l'extraction de l'ADN dans le salon. Et nous avons vécu en fait une semaine d'installation chez les habitants, perturbant considérablement leur environnement quotidien et leur routine. Cette pièce, c'est une des plus belles pièces que j'ai pu réaliser, non pas en termes de résultats plastiques, mais d'expérience humaine. Le public ressortait émerveillé, avec une panoplie de questions en tête. Et nous présentions d'un côté donc, la recherche scientifique, sous une forme hyper rationalisée, parce que les instruments étaient classés en fonction des nombres premiers. Et d'un autre côté, la salle à manger, on va voir, elle était pleine de papillons. Donc là, je vous mets un texte de Michael Gibson qui s'intéressait sur le cogito et le son. Donc voici la pièce à manger. Donc seulement le problème, c'est que je n'avais pas prévu que les papillons allaient mourir. Il y avait des chrysalides qui permettaient de renouveler les naissances et les morts, enfin les naissances, pardon, mais le nombre de morts était bien trop élevé. Et je n'avais pas pris en compte cet aspect-là, qui, on doit dire, m'a complètement choquée. Et cela me renvoyait indirectement à notre précarité et à la mort. J'ai alors passé mes journées à nourrir les papillons sur mes doigts, à dormir avec eux, afin qu'il ne leur arrive rien. Et parce que vous avez vu un gros papillon là sur ma main, ça c'est mon Sirius, il se cognait la nuit, donc je devais le surveiller. Et je suis retournée voir l'éleveur, car je ne savais plus quoi faire avec la mort des papillons. Et lui, d'un ton calme, tout simplement, me dit qu'il voyait ça tous les jours et qu'il n'y avait aucune logique dans le vivant. Donc ce projet réalisé en moins de 3 mois, prenait une dimension que je n'avais pas prévue. Il y eut entre 800 et 1000 visiteurs en un week-end. Donc les visiteurs arrivaient à 10h du matin, en plein petit déjeuner. Ouais. Et une surcharge émotionnelle par rapport à ces papillons. Et chaque minute de mes pensées était destinée à la survie des papillons, à leur bien-être et à leur mort inexorable. J'avais l'impression que chaque papillon qui mourait était une partie aussi de moi qui les accompagnait. J'ai développé des techniques donc, pour progressivement les nourrir, et le dernier jour est mieux, aucun mort. Et enfin, plus de naissance que de mort. Et je sais que ces papillons, dans la nature, n'auraient pas tenu 2 jours à cause de la prédation. Je sais que nous ne pouvons rien faire contre la mort en général, ni maîtriser le processus des naissances. Je sais aussi que les papillons vivent davantage souvent de chrysalides et de chenilles, mais malgré ces arguments déployés, je n'ai pas réussi à intégrer leur mortalité. Je suis ressortie de cette aventure sans arriver à comprendre la multiplicité des niveaux trouvés au fur et à mesure dans cette pièce. Et n'ayant pas dormi pendant une semaine, ayant vécu au rythme de la fragilité des papillons, je me pensais à travers eux et continue à me penser aujourd'hui à travers eux. Bon, ce travail a été aussi une histoire extraordinaire avec l'éleveur et sa femme, hein, pour leur confiance et leur distance critique. Et la personne qui m'assistait et sur le montage est même restée en fait, pour prolonger le séjour chez nos habitants. Qui eux veulent recommencer ce genre d'expérience d'ailleurs. Et nous sommes tous ressortis de cette expérience un peu bouleversée par cette création qui fut une expérience vivante dans un endroit exceptionnel avec des papillons pour compagnons. Donc j'ai dû développer une gestualité particulière pour manipuler nos visiteurs volants et ma corporealité, la conscience de mon corps, a été exacerbée. Le monde extérieur ensuite et mon environnement quotidien m'ont paru alors un peu retour. Donc, chaque création modifie notre appréhension du monde et peut-être nos schémas perceptifs et cognitifs. Et j'essaye aujourd'hui de formaliser cette expérience qui a été un peu en débordement. Je disais que cette pièce serait la dernière, mais je ressors d'une période où je ne me suis jamais sentie vivante et ce que j'ai ressenti était indescriptible, rempli de beauté humaine, animale, d'incertitude et d'inquiétude. Pour aborder le niveau théorique, et c'est là où je vais vous rejoindre un peu, cette pièce questionnait la perception de notre humanité au travers du filtre non seulement du progrès scientifique, mais aussi au niveau de nos modèles perceptifs. Si j'ai utilisé la génétique, c'est parce qu'il me semble que ce domaine remet considérablement en question la perception mécanique et statique de notre réalité. Je souhaitais critiquer notre intelligence, d'après les termes de Bergson, qui ne vit selon lui que l'inerte, l'immobile, le prévisible et le stable. Et pour reprendre cette idée de point de fuite, bon, c'est Deleuze qui dit ça, mais on fait des points d'arrêt virtuels dans la temporalité pour lui. Et si nous suivons les écrits de nombreux penseurs, les modèles scientifiques créeraient nos représentations qui seraient en amont de nos perceptions. Et les modèles inventés nous aideraient à formaliser nos perceptions. Les Grecs ne se sentaient pas séparés de leur environnement, ils n'étaient pas sujets agents responsables de leur acte, ni imputable. La physique était non maîtrisable. À la Renaissance, le cartésianisme s'est vu être un des paradigmes modifiant les régimes perceptifs et notre compréhension du monde, mais aussi notre place dans le monde. À la Renaissance, l'homme commençait à se sentir agent, ce nouveau modèle se retranscrit dans les arts. Il y eut la naissance de la perspective, on est au centre de la vision du monde, la naissance des signatures, des autoportraits, et l'émergence d'un modèle mécanique du monde, où l'environnement est réductible à la somme de ses parties. Aujourd'hui, nous revivrions une seconde renaissance, où le modèle paradigmatique serait celui du réseau. Le réseau, comme on vient de l'entendre et de le voir, est l'idée de la multiplicité simultanée, où l'interrelation prime sur les termes qui sont, eux, indéfinis. L'idée de raison est sans centre, sans début ni fin, sans arrêt et indéterminée. En génétique, il n'est question que de réseau, et notre perception statique, nos outils d'observation ne faisant que reproduire nos schémas hérités perceptifs, ne permettent pas de comprendre la complexité des interactions. Il y a un vrai problème d'observation aujourd'hui en génétique, c'est qu'on ne fait que reproduire ces schémas complètement statiques, hérités. Et si le modèle du réseau m'intéresse, c'est dans sa dimension temporelle, qui peut s'approcher de ce que Derrida nomme le temps vivant. c'est l'idée que le temps que nous percevons et que nous représentons est toujours lié à de l'après-coup, du représenté, qui ne permet pas de saisir l'imprévisibilité d'une temporalité qui n'est jamais faite, mais qui se fait sans cesse. L'idée de ce travail était de critiquer notre rapport au monde, qui nous donne l'impression que la réalité est de l'ordre du déjà-là. Nos mécanismes de rétention et de propension nous permettent à chaque instant de créer du donné afin de prévoir ce qui n'est pas encore arrivé, nous donnant à chaque moment l'image cristallisée d'une réalité. Nous faisons vivre quelque part dans une sorte de décor sans nous apercevoir que nous avons été créateurs de ce monde et de ses intensités. Le temps vivant est le temps de l'immédiat, du mouvant et de l'indéfini. Et le vivant en général est hors de contrôle, hors de la raison, lié intrinsèquement à l'imprévisibilité d'une temporalité en train de se faire et de se défaire simultanément. C'est aussi ce que j'ai appris dans cette expérience, malgré la volonté de sauver la durée de vie de ces papillons. J'ai dû me confronter à l'impossibilité de contrôle de leur naissance et de leur mort. Si nous parlons aujourd'hui d'émotions, je ne peux définir celles que j'ai eues parce qu'elles n'appartiennent pas au domaine de la langue qui cristallise et rend statique le devenir du corps et de la vie en général. Nous sommes toujours dans une sorte d'écart du présent, une différence selon Derrida. La simple pensée articulée à la langue fait que l'expérience immédiate est toujours de l'ordre du représenté et du diffus. Pourquoi, nous dit-il, user des mots lorsque l'expérience à soi est immédiate? Dans l'acte de création, nos mécanismes de répétition, de rétention, que soutiennent l'imaginaire et la langue seraient peut-être en échec. Dans l'art, nous sommes à l'affût de l'expérience, et tout geste est une concentration totale dans l'acte. On vit au présent vivant, informé et insensé. Face à l'inconnu, nous devons créer d'autres manières de comprendre l'événement. De l'ordre de l'inouï, aucune mémoire n'est attendue pour résoudre le conflit que nous propose la création. Le process de la création crée plutôt un trou affectif et émotionnel, débordant la théorisation et la symbolisation. Peut-être que le process de l'œuvre nous renvoie à un réel, non filtré par une langue qui, elle, manque la complexité d'un réel. Et la mise en œuvre d'une autre pièce permet de comprendre les pistes que nous lançons sans réellement comprendre la portée. Mais si cette pièce est liée à un débordement émotionnel durant l'acte de création, le résultat découle aussi d'une maturation qui a pris forme tout à la fin à la mort de Michael Gibson. Nous ne travaillons pas à partir de rien, et loin de moi l'idée de faire penser que les pièces créées sont le produit d'une surcharge émotionnelle. L'émotion est avant tout de l'ordre de la cognition, puisqu'elle résulte d'une interprétation. Elle a peut-être affaire avec l'instinct, qui voit en deçà ou en amont de l'intelligence, brassant des informations virtuelles n'ayant pas accès à la cognition avant qu'une formalisation émerge. Et dans cette pièce, il y avait seulement de la vie, de la fragilité, de la beauté, de l'altérité qui mettait à mal tout acte de parole et toute possibilité de réponse. Pour reprendre les mots de Jean-Marie Schaeffer, peut-être que l'art n'est qu'une solution d'apaisement pour résoudre momentanément nos angoisses métaphysiques. En l'occurrence, ici, celle de la vie et celle de la mort, qui sont incontrôlables, incalculables et impensables. Parce que l'on ne sait ce qui va se passer dans 5 minutes, notre humanité réside peut-être dans le fait que nous sommes en permanence soumis à la création des mondes, à la création nécessaire du phénomène à déployer. L'art a profondément à voir avec le dépassement des possibilités de vie. L'acte rompt les schémas classiques de perception et nous réinstalle dans l'immédiateté. Durant cette période, toute mon attention, toutes mes préoccupations s'intégraient dans l'imprévisibilité de ces battements d'ailes qui vibraient dans nos yeux et dans nos oreilles. Chaque création nous questionne, sollicite des zones inconnues, des parties de nous que nous ne connaissons pas. Le process de l'œuvre nous reconstruit, nous transforme, nous redonne une forme de corps et de corporealité. L'acte de création s'effectue dans la formalisation d'une pièce, mais s'appuie sur une invention motrice que l'œuvre d'art nous invite à développer. L'artiste lui seul remodélise sa gestualité, modifiant les schémas perceptifs, transformant d'emblée les grilles de lecture et d'écriture de sa réalité. L'artiste en général ne sort pas indemne d'une création et la pièce témoigne d'un changement de corps de l'artiste ayant développé une autre modélisation du monde par l'intégration d'une expérience que lui seul, enfin, qu'il a menée seul jusqu'au bout. L'intelligence selon Bergson, ne sert que le corps, afin de percevoir dans une nécessité pratique. Or, dans l'acte de création, le corps tout entier, et donc l'intelligence, sont mobilisés dans la réalisation. L'intelligence, nous dit Bergson, répète du connu, lie les événements entre eux pour assurer une cohérence et une interprétation. Or, dans l'acte de création, le corps fait émerger une nouveauté phénoménale, un événement, un imprévisible rien qui pourtant modifie la stabilité perceptive, invitant le corps à s'inclure dans un environnement impensé. Pour reprendre la formule de Gilles Deleuze, les bords des corps sont arbitraires. L'intelligence pratique fonctionne dans des schèmes apprivoisés qui permettent de construire les contours des mondes. Dans ces instants de création, l'intelligence qui ne traite qu'avec des objets déjà formés, connus, et que soutient également notre pensée articulée à la langue, devient inopérante dans les actes de création. Il y aurait presque un retour à l'immédiateté, où aucun contour perceptif n'est encore défini, et où nous serions plus près d'une temporalité informée. Dans ces expériences informes, le corps aussi perd ses bords et ses contours arbitraires. Dans la reformalisation de la création, le corps se réesquisse au travers des formes que la création génère. Le corps alors se perd et s'apparaît dans des identifications provisoires dans l'espoir de se retrouver en se redécouvrant par les décisions qu'il opère. Le corps et les émotions sont des inventions, se mesurant au regard porté par l'inculcation d'autrui et qui participent à fabriquer l'image de notre corps propre. Dans la création, il y a une éthique de la solitude qui invite le créateur à dépasser les frontières institutionnalisées et rationalisées du corps normé, lui ouvrant une voie d'accès à la création de son monde, de ses sens et sensations. Il y a un redéploiement du corps sensitif qu'une compréhension cognitive permettra à nouveau de limiter dans une compréhension provisoire. Le corps déborde la cognition et dans le process de la création, les contours fuient et les paroles manquent les possibilités du corps. Changeons de corps dans l'acte de création, c'est aussi d'autres modèles d'explication qui nous est sommé de trouver afin d'expliquer non seulement l'impression de ce que nous avons quitté et la nouveauté perceptive à laquelle nous faisons face. Sans doute doit-on dans ces sauts perceptifs ou changements perceptifs tenter de reformaliser un monde pour réaliser ce nouveau corps et se comprendre à nouveau au risque de se retransformer dans une nouvelle création qui nous permettra de nous expliquer, et ce, dans un processus interminable. La création emmène d'autres horizons perceptifs qui peuvent alors entrer en crise avec nos schémas cognitifs habituels et qui forcent nos habitudes cognitives à inventer d'autres formes de compréhension du monde. Ainsi, pouvons-nous dire que l'art crée de nouvelles classes de concepts et de nouvelles formes de connaissances que le corps en acte à générer. Et puis, il y a surtout le sentiment de vie qui nous habite lors de l'œuvre en process, faisant que cette intensification de la vie sera peut-être aussi recherchée, car elle nous met face à l'idée que dans l'acte du faire, des possibilités de vie s'ouvrent et nous apprend que les mondes se construisent et que tout geste se dessine et que dans tout geste se dessinent des avenirs. Le process de la création nous fait avant tout nous sentir corps, corps mortel, vivant et survivant, dépassant les conditions de l'existence avec le retardement d'un esprit qui est dans le désarroi d'une expérience qui peine à se comprendre car elle se vit dans un présent vivant, non retenu. Pour conclure, la création est aussi une création de corps, d'émotions jamais annoncées, de perceptions émergentes et où la cognition doit apprivoiser les changements inhabituels auxquels toute création nous confronte. Elle est un imprévisible rien qui change tout. Et là, je vais vous montrer juste une vidéo prise sur le vif. Voilà. J'ai retrouvé ça dans des archives. Alors. Elle va se rallumer. Pour allumer. C'est éteint tout seul. Oui, c'est tout seul. Comment ah, c'est une vidéo proche qui s'éteint. T'as pas une télécommande ? Non. Tu l'as éteint. C'est juste pour finir, hein, c'est une petite vidéo prise avec le téléphone. Voilà une naissance en direct. Naissance qui change tout. Bien, merci Edwige. Je vais passer la parole maintenant à Yves Dutin. Je te laisse le soin de te présenter toi-même. On a un peu de retard sur l'horaire prévu, c'est pas très grave puisqu'il y a une personne, un intervenant en moins dans la séance suivante. Donc on maintient la discussion après. On verra le temps de la discussion en fonction de ce qui nous restera. Tiens. Je vais rattraper le temps. J'ai prévu quand même quelques transparents. Et je vais essayer de faire quelque chose qui est en rapport donc avec le titre de ce colloque, émotion, cognition et création artistique. Pas dire que c'est pas en rapport, hein, c'est déjà présenté Olivier. Hein. Mais j'ai essayé surtout, moi, dans ma discipline qui est la vie artificielle, je suis prof d'informatique, je dirige des recherches à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, dans une équipe qui essaye depuis un certain nombre d'années de fabriquer des systèmes qui ont des propriétés du vivant. C'est-à-dire, les machines actuelles, celle-là par exemple, si je fais un faux contact dedans, tout s'arrête. Quoi. Si un programme a une instruction fausse, tout s'arrête. Donc toutes les machines que l'on fabrique aujourd'hui, tous les systèmes ne sont pas résilients, ne sont pas robustes, parce qu'ils sont conçus par assemblage de blocs. Or, la nature, si on l'observe, le vivant, en tout cas, le vivant, à tout instant, se régénère, est capable de faire repousser certains organes, de se modifier en permanence. Donc est-ce qu'on peut faire des programmes qui ont, voilà, ou des systèmes, des machines qui ont ces propriétés? Donc ces propriétés, c'est essentiellement l'adaptation. Donc bon, là, les programmes le font un peu. Le programme s'adapte à des données exogènes. L'évolution, au sens darwinien du terme, c'est-à-dire un programme va bien évoluer, c'est-à-dire modifier son propre code, comme le code génétique, on associe le code génétique à un programme. Donc s'adapter, évoluer avec des évolutions de programme, apprendre, donc ça c'est l'intelligence artificielle. On parle beaucoup aujourd'hui, c'est l'un des thèmes de recherche des plus grands enjeux en informatique dans les années à venir, et déjà aujourd'hui. Et puis se répliquer. Donc se répliquer, ben déjà une machine avec des imprimantes 3D, une machine, elle peut aujourd'hui à peu près concevoir une autre machine, et puis avec une imprimante 3D, elle peut l'imprimer. ça c'est pas mal, parce que le vivant a créé la cellule, et la cellule sait le faire très bien. Donc je vais essayer de faire le lien avec tout ça, puis surtout, le fait est-ce que ces machines extrêmement complexes, qu'on va essayer de faire pousser, que ces machines, si elles développent des réseaux de neurones, eh bien elles seront capables d'apprendre, et elles seront capables de se représenter leur environnement, et de créer, d'imaginer leur propre vision. Donc je vais essayer de passer à travers, c'est-à-dire de faire le lien entre l'émotion et la cognition, qui sont des choses qu'on trouve chez les hommes, la création artistique, qui est donc le fait d'avoir, par une intuition, de développer quelque chose qui n'existait pas, qui est une bifurcation quelque part, qui n'est pas prédéterminée. C'est une création globale, métaphysique, on peut dire. Et avec donc ces sciences plus ou moins dures qui sont les mathématiques, physiques, informatiques. Voilà, donc la vie artificielle, on est là, sur cette planète. Il y a 3 milliards d'années, il y avait des bactéries. Il y a 2 milliards d'années, il y avait des êtres pluricellulaires. Et puis, au fur et à mesure, on s'est développé. Donc la vie artificielle essaye de donner des explications, pas au pourquoi, mais au comment cette chaîne a pu se produire. La complexité, l'émergence, passer des cellules aux molécules, des molécules aux organismes, aux tissus, aux organismes ensuite jusqu'à des représentations par des perceptions de l'environnement. Est-ce que ça, on peut le faire de manière artificielle? Voilà. Donc, et quels sont les outils? Les outils, c'est l'électronique aujourd'hui, et demain, déjà partiellement aujourd'hui, ce sera la biologie synthétique, c'est-à-dire la programmation de codes ADN dans des bactéries, des cellules. Alors, bon, juste, ça fait un lien, je pense qu'Olivier va vous connaître, vous ne connaissez peut-être pas ce film, parce que ça, c'est un autre mode cellulaire, c'est le jeu de la vie. Et dans des travaux de base qui sont vraiment encore très présents, ça ici, c'est ce qu'on appelle le glider, et donc qui se déplace, c'est un autre mode cellulaire qui a 3 états, voilà, qui en fonction des cellules change d'état. Là. Et ça, c'est un petit film qui montre que si, j'espère qu'on y voit bien là, voilà, donc chaque pixel s'allume et s'éteint en fonction de l'état des voisins à côté. Ce que nous, on voit, c'est un phénomène émergent, ça se déplace, ça bouge, etc. En fait, ça ne bouge pas vraiment, c'est de la lumière qui s'allume ou qui s'éteint. Mais si on commence à zoomer en arrière, c'est un automate cellulaire qui, à un niveau supérieur, va reproduire le fonctionnement de niveau en dessous. Donc chaque pixel ici, on zoome, et il y a des millions, ça commence à être très important. Et ces gliders, quand ils se rencontrent, ils vont se détruire parce que les règles qu'on applique des automates cellulaires ou faire apparaître ça. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que chaque pixel recrée à un niveau au-dessus un gros pixel, une sorte de gros pixel qui va en fait à un moment donné basculer d'état et on va retrouver la propriété la propriété du glider à un niveau au-dessus. Donc ça, c'est des travaux qui ont été faits présenté, voilà, c'est, je pense que ce qu'on a vu, ce qu'a montré Olivier Aubert, c'était déjà ce matin, c'était avec des hommes qui avaient derrière ici, ça a été en fait un système de recherche aléatoire qui a pu trouver cette propriété. Est-ce que le monde a ses propriétés? Est-ce que l'émergence, ça s'est passé comme ça? Bon, John Conway, qui a travaillé beaucoup sur les automates cellulaires, qu'on a eu la chance de voir à New York il y a 2 ans, qui a inventé, on va dire, ces systèmes-là. John Conway, aujourd'hui, il dit qu'il haït ces systèmes-là, parce qu'il travaille en mécanique quantique. Il dit, le monde, ce n'est pas des automates cellulaires, c'est n'importe quoi. Je ne veux plus en parler. Ça a été sa dernière conférence. Donc, voilà, la vie artificielle essaye à la fois de voir comment la complexité, comment on est arrivé là, à être ici aujourd'hui, et ces choses étonnantes, vous allez voir, ces petits robots, tout ça. Bon, pour être structuré, 3 exemples, assez rapide, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de faire évoluer des formes, donc de produire des formes et de les faire évoluer avec des algorithmes génétiques, c'est-à-dire on considère que ce qui code une forme, c'est un gène, et on applique du Darwin, on va faire de la sélection naturelle, etc. Et ça, le film le plus connu, qui reste dans l'histoire, je pense que tout le monde le connaît, ce sont les créatures de Carl Sims. Donc ce sont des graftales qui engendre des formes tridimensionnelles avec un réseau de neurones qui détecte des contacts et il en fabrique des milliers au hasard, il les met dans un simulateur de lois physiques et celles qui se déplacent sont conservées et sont croisées avec celles qui se déplacent peut-être un peu moins. Et après évolution, chaque fois ce que vous voyez, c'est la meilleure créature après évolution. Ça, ça a été fait en 1994. Avec Hervé, là, on a pour encadrer un thésard. Plus de dix ans après, on est arrivé à reprogrammer, à refaire ce qu'avait fait Carl Sims en 1994. On peut dire que dans le monde entier, personne n'est arrivé à le refaire. C'est vraiment la naissance de ce qu'on appelle des créatures artificielles. Donc des créatures synthétisées par des programmes. Ce n'est pas un ingénieur qui conçoit ça, c'est un programme. Ça, c'était les travaux qu'on menait, là, que beaucoup d'équipes continuent à mener. Ça donne de la robotique évolutionnaire. Mais aujourd'hui, les travaux les plus surprenants, c'est plutôt que d'essayer d'assembler des blocs, parce que ces formes dessus sont creuses, sont vides, eh bien, on va essayer de le faire pousser. Parce que la nature, elle fait pousser, on appelle ça l'ontogénèse. Tout être vivant se développe à partir d'une cellule unique. Et des cellules avec des codes génétiques très simples arrivent à créer des organes, des organismes très complexes, souvent. On peut prendre des micro-algues ou des choses comme ça qui transforment la lumière. Ben ça, déjà, nous, pour transformer la lumière en énergie, pour fabriquer des panneaux solaires, pas très, très fort. Hein. On a besoin d'énormément de technologies. La nature sait le faire dans du plancton, avec un code génétique très petit, se fabriquer des coquilles. Voilà. Et donc, là, je ne décris pas trop, mais l'expérience que vous voyez ici, c'est une cellule toute seule qui s'est développée dans un monde hostile qu'elle ne connaissait pas. Et elle s'est aidée. Elle a développer une carapace bleue pour se protéger des agressions et de consommer l'énergie. Donc on appelle ça développer, on veut développer des programmes, développer des formes, c'est-à-dire à partir d'un tout petit, une petite souche, à partir d'une cellule souche, on veut engendrer un système complet et éventuellement que ce soit un robot. Alors ça peut être un robot qui fabrique des pièces, qui se les branche et puis qui met le programme dans ces pièces, ou bien sûr les grandes applications c'est la biologie synthétique, c'est programmer les cellules vivantes. Et le troisième grand thème, c'est leur faire apprendre, et ça c'est l'intelligence artificielle. Et je vous montrerai les tout derniers travaux, donc certaines images datent du 4 octobre 2017, puisque ces techniques-là ont été développées il y a 4 ans, les derniers algorithmes. Et là c'est vraiment, vraiment surprenant, c'est la capacité de machine à voir des images, à se représenter ce qu'il y a dedans, et à créer, à imaginer, où on verra ce que c'est en tout cas, en synthétiser des nouvelles, et à se dire, tiens, est-ce que ça ressemble à ce que j'ai déjà vu dans le monde ou pas? Ou est-ce que c'est des choses nouvelles? Donc ça s'appelle les Generative Adversarial Network. Je pense que le chercheur le plus connu en intelligence artificielle au monde, Ian LeCun, a dit récemment que c'était la plus grande découverte qui a été faite depuis beaucoup d'années, l'intelligence artificielle. Voilà, donc juste illustrer ces quelques notions. On va parler de génotype en informatique, ça peut être des équations, ça peut être, bon, pour les gens qui connaissent les systèmes générateurs, bien sûr, comme John McCormack, des L-systèmes, comme ça, ou des... Ça peut être des réseaux de neurones artificiels en informatique, donc on fait des sommes d'entrée, ou ça peut être des réseaux de régulation génétique, c'est ce qu'on a à l'intérieur de chaque cellule, et qui active et qui inhibe des gènes, une partie, quoi. Et à tout instant, chacune de nos cellules active ou inhibe un comportement. Et ça, ça permet, ces différents systèmes, de construire des comportements de haut niveau. Ici, c'est par exemple de poursuite en réseau de neurones, et ici, c'est un petit film qu'on avait. Voilà, donc un gène, pour nous, ça va être quelque chose qui donne vie à quelque chose. Bon, Genesis, donner la vie. Voilà, donc le génotype est à gauche, le phénotype est à droite. Et ce qu'on va faire dans la plupart des expériences, on va fabriquer des milliers de génotypes aléatoires, on va évaluer des phénotypes dans des mondes virtuels, et on va sélectionner ce qui est valable. Donc ça, c'est un petit exemple donc, de la première partie, c'est de pouvoir évoluer des formes. Donc ça, c'était la même chose que Carl Sims, c'est un de nos thésards qui a fait ça, vous voyez des créatures comme ça. Donc ces créatures devaient monter des escaliers, celle-là, elle a des pattes parce que c'est efficace. Mais c'est le programme aléatoire qui a mis des blocs au bout des... à cet endroit-là, c'est pas l'humain. Et à partir du moment ben voilà, où la créature arrive à monter l'escalier, on lui met une bonne note, donc son gène a plus de chances d'être sélectionné, de se reproduire, en imitant un peu la théorie, bien sûr, de Darwin. Quand on peut faire ça en virtuel, il y a des applications ici, ben ça c'était fait par justement ce thésard là, qu'on a encadré avec Hervé, c'était à Cornell au MIT, ce sont une imprimante 3D qui imprime en fait les cellules d'une sorte de robot comme ça. Chaque cellule, elle est grosse, bien sûr, par rapport à nous, mais elle a son programme, sa batterie, elle peut se connecter. Et ici, vous avez donc Nicolas qui fabrique un robot distribué, modulaire, ici. Il aurait pu fabriquer un ver de terre. Et il va mettre ce robot enfin, dans le monde virtuel, dans le programme qu'on a vu précédemment, qui fait évoluer par algorithme génétique pour trouver une solution. Le robot va chercher comment dans le monde virtuel ben, je dois faire pour me déplacer et attraper un objet. Et une fois qu'on a trouvé en virtuel, on le met dans le robot réel. Autrement dit, le programme est distribué, il n'a pas été écrit là par un homme et il est parfaitement adapté à la morphologie de la créature. Si jamais cette créature, on change de forme, on relance le système d'apprentissage dans le monde virtuel et on réalise ça. Tout ce domaine-là s'appelle la robotique évolutionnaire ou modulaire. Vous pouvez regarder sur YouTube. Ça illustre la première partie donc, de ce dont j'ai parlé, évoluer des formes. Deuxième partie, on va aller très vite. Donc là, c'est très large. Hein. Là, vous avez des milliers d'exemples. Hein. On rentre dans des machines qui ont des formes qui se modifient et le programme se modifie. Voilà. Mais dans la nature, chaque cellule et chaque fonction est spécialisée. Quoi. C'est un arbre ne dispose pas de cellules de globules blancs, par exemple. Ça ne marche pas comme ça dans les arbres. Donc la spécialisation des formes et des fonctions sont liées à l'évolution. Deuxième grande approche, ben plutôt que d'essayer d'imprimer tout ça, bon, okay, les imprimantes 3D, ça va permettre de faire beaucoup de choses. On peut même imprimer avec des cellules, avec de la céramique, avec tout un tas de matériel. La deuxième chose, c'est qu'en fait, pour développer des formes, eh bien, l'exemple qu'on a, ben, c'est la cellule. Bon, nous, vous savez qu'on a 10 puissance 14 cellules, c'est beaucoup. Mais on a 10 puissance 16 bactéries dans notre corps. Et il faut voir que les bactéries sont arrivées il y a 3 milliards d'années. Elles ont un code génétique qui s'est recombiné pendant 3 milliards d'années, les bactéries, alors que nous, on n'a que quelques centaines de milliers ou millions d'années, en tout cas pour l'humain, de recombinaison génétique. Donc mes collègues de biologistes spécialistes des plantes et des micro-organismes disent chaque fois, mais du terme, c'est les bactéries qui sont immortelles. Bon, je le crois. 99,999% des espèces vivantes sur Terre, plus, sont des bactéries. C'est-à-dire que les plantes et les animaux représentent quasiment rien. Donc effectivement, s'il y avait un gros problème sur Terre, il restera les bactéries. Et donc, la cellule vivante, nos cellules, elles ont en fait un code ADN. Elles ont une imprimante 3D, ça s'appelle le ribosome, qui est capable d'aller décoder ce code et fabriquer des protéines, etc. Et elles ont de l'énergie qui sont des anciennes bactéries, qui sont les mitochondries. C'est elles qui, entre autres, décident, paraît-il, il y a des articles récents, de l'apoptose des cellules. Donc on est quand même pas mal piloté par ces systèmes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la même chose que vous avez vu tout à l'heure en virtuel, on voyait les robots monter les escaliers. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire pousser des machines, des systèmes. C'est-à-dire, je voudrais par exemple que quelque chose, je mets une graine, je mets quelque chose, un système, il va développer un système qui va filtrer le CO2, qui va faire ceci, qui va faire cela, qui va faire du calcul, qui va afficher une image, je ne sais pas, un calculateur, vous développez une machine. Et ça, basé sur, ici, la mécanique des cellules, parce que les cellules vivantes, elles ont beaucoup d'expérience, quand elles se divisent, ça dépend des forces biomécaniques qu'il y a autour, et puis du code génétique qu'il y a dedans, et ce code génétique, parfois, il sait qu'à tel endroit, il y a une certaine concentration, et la cellule décide de se spécialiser. La bête que vous voyez avait pour objectif d'avoir 3 pattes, c'est tout. Donc, on a fabriqué, après avoir fait évoluer des milliers de programmes, on a fabriqué une cellule virtuelle, telle que si on la met dans ce milieu où on ne voit pas, mais il y a des nutriments autour et tout ça, et bien cette cellule a développé un être avec 3 pattes. Donc ça, c'est le début de faire pousser des systèmes. Nous, on travaille, notre équipe en virtuel, on fabrique des modèles numériques. Ensuite, c'est soit au roboticien à faire ce qu'il faut pour que le robot le fasse, soit aux généticiens ou aux biologistes de faire ça à des cellules ou à des bactéries. Donc c'est là où on rentre dans l'ère des systèmes biologie synthétique. Ça va ? Donc, premier, l'escalier qui monte, on fait évoluer des formes. Deuxième chose, on fait pousser des formes. Et maintenant, c'est bête. Là, est-ce qu'elles vont pouvoir apprendre et est-ce qu'elles vont avoir une cognition possible, éventuellement des émotions, et pouvoir créer des choses. Donc, où en est-on là-dessus? On est encore très loin de ça. Mais, est-ce qu'on peut leur faire apprendre? Ben, ce terme, le terme biologique qui correspond à ça, c'est un terme qui a beaucoup de nuances, l'épigénétique. J'ai mis la définition en psychologie du développement. C'est en fait, l'épigénétique, c'est le rapport entre le code génétique et l'individu complet. Donc, bon, par exemple, Edwige ou moi, je prends. Moi, je suis né à Pau, Mon arrière-grand-père était sûrement Henri IV, parce que bon, il a eu beaucoup de petits-enfants. Et les grands-parents, etc. Ce qui fait que moi, dans chacune de mes cellules, si je donnais une de mes cellules à Edwige, je ne sais pas ce qu'elle en ferait, mais eh bien, à l'intérieur de ma cellule, j'ai des recombinaisons génétiques d'un peu de Henri IV, de ceci, de cela, etc. J'ai tout ça, bon, ce qu'on appelle, en fait, l'inné, enfin, ce qui vient, le patrimoine génétique. Et moi, je suis arrivé, donc, je suis né à Pau, à un certain endroit. Au bout d'un certain temps, j'ai été formé de plusieurs millions de cellules, et puis je faisais 1,5 cm, tout comme vous. Et puis à partir de ce moment-là, il y a les cellules, mes cellules avaient des récepteurs chimiques. Et par le miracle de l'évolution, eh bien, il y a des organes perceptifs qui se sont développés pour le goût, pour l'audition et la vision. Et des réseaux de neurones qui, couplés à ces organes perceptifs, ont commencé à créer des représentations du monde dans lequel j'étais. Parce que j'aurais pu naître ici, ou peut-être 10 siècles plus tard, ou 7 siècles avant, la gravité pouvait être vers le bas ou vers le haut, tout ça. Le bébé, il n'en sait pas. Le bébé qui arrive, ou le vivant en général, il ne le sait pas. Mais il a toute cette plasticité au niveau neuronal et toute cette capacité d'auto-organisation dans la morphogenèse des systèmes perceptifs et des représentations de l'environnement. Alors, est-ce qu'on sait faire ça en informatique? Ce qu'on sait en intelligence artificielle, vous savez qu'en 1997, un programme a battu le champion du monde aux échecs. Ça, c'est l'intelligence artificielle symbolique. C'est la bête, entre guillemets. C'est celle qui est mathématique, qui dit que si A est plus grand que B et B est plus grand que C, je déduis que A est plus grand que C. Voilà. Et ces programmes sont conçus comme ça, et les machines sont très fortes pour faire ça, parce que ben, elles sont programmées, c'est avec la logique. Et il a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour arriver à des programmes qu'on appelle aujourd'hui connexionnistes, donc l'intelligence artificielle, on appelle constructiviste ou connexionniste, qui n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas l'homme qui écrit le programme pour dire qu'il faut faire ça, mais on va leur mettre des données à un réseau de neurones artificiels, c'est quand même des programmes. Mais ces données, le réseau de neurones va se configurer pour les stocker, reconnaître des patterns dedans, et ensuite prédire. Parce que, a priori, notre cerveau, c'est une machine à prédiction de patterns. On a des patterns inscrits, on a des perceptions, on s'en fiche, le cerveau s'en fiche des perceptions, il en utilise, je ne sais plus si c'est 1 ou 10%, même pas d'information, ou 2% de ce qu'il perçoit, et de toute façon, il projette, et si jamais la réalité ne correspond pas, ben là, on est dans cette phase de déséquilibre qui est très proche de l'art, de la création. Donc, voilà, aujourd'hui, depuis 4 ans, eh bien, il y a un engouement et un développement mondial avec des milliers de sujets de recherche en Chine en deep learning sur ces algorithmes connexionnistes qui sont apparus il y a 14 ans, et vous avez juste les différentes catégories. Donc je vais vous montrer quelques exemples de ça et les tout derniers qui sont faits. Donc on n'est pas encore à faire pousser une machine qui a un réseau de neurones qui apprend, mais c'est les thèmes de recherche. Émotion, cognition. Alors, en simplifiant, le néocortex, la structure du néocortex, donc tout ce qui est apparu après Sapiens, vraiment, quand le cerveau se développait, ce néocortex, on peut dire extérieur, il a l'air, en tout cas, structuré d'une certaine manière, et il a l'air de fonctionner pareil, quelle que soit la position dans le crâne. C'est-à-dire que, même si l'image est traitée d'un côté, le langage, etc., il y a des spécialisations, il y a un système d'apprentissage qui est capable de stocker des patterns. Donc un pattern, c'est un signal, une image, un son, n'importe quoi. Et si on regarde ceux qui traitent le son, ceux qui traitent la vision, le goût, etc., la structure des réseaux de neurones, au point de vue physiologique, donc connexion du cerveau, c'est à peu près la même. Autrement dit, c'est un mécanisme unique à peu près, et ça explique sûrement la plasticité du cerveau, qui fait que même certains cerveaux détruits à 70 ou je crois jusqu'à 80%, peuvent garder des fonctions de vision, de choses comme ça. Ça, c'est, on va dire, ce serait une sorte de calculateur, quoi. Mais derrière ça, nous, on a au centre du cerveau, on a un système, tout le système des ganglions de la base, on l'appelle, avec l'hypothalamus, avec le globule, le thalamus, etc. Et qui, entre autres, est le siège du système hormonal. Et ce système hormonal est extrêmement complexe, et il est en partie piloté par les 200 millions de neurones qu'on a, nous, dans le ventre, hein, et ces neurones travaillant en symbiose avec les bactéries que l'on a, puisqu'on a ces milliards et ces milliards de bactéries qui aident ces neurones à fabriquer la sérotonine qui, à 95%, est fabriquée dans le ventre et agit sur donc, le neurotransmetteur, l'activité. Donc ce sont... Moi j'ai été à une thèse à Paris, ici, là-dessus, sur essayer de programmer aujourd'hui le système hormonal en informatique, je ne connais pas de travaux qui le fassent. Voilà. Par contre, de programmer ce système-là, néocortex, qui stocke et qui retrouve, eh bien, c'est ça qu'on va retrouver. Et ces programmes, aujourd'hui, c'est là où le lien avec l'art, j'espère que je suis très clair, ce sont des programmes qui vont créer eux-mêmes leur propre représentation du monde. Et là, on se dit, oui, effectivement, c'est pas un homme qui fait ça. Si un système, par ses perceptions, se crée sa représentation et ensuite agit dans cette représentation, mais il y a une autonomie donnée au système. Ça posera énormément de problèmes sur les prises de décision, parce que ce système, ben, quand il prendra les décisions, ben, ça dépendra de ce qu'il a appris. Mais c'est déjà le cas pour les voitures autonomes. Ce que fait Google, Apple, ce dont je parle là, c'est toutes les recherches du GAFAM et de tous les labos dans le monde. Donc, si un système se crée ses propres représentations du monde, et c'est là où, bien sûr, le lien avec l'art, et nous, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, hein, parce que l'art, justement, les artistes, en différentes périodes, comme ça, ont utilisé des représentations pour renvoyer des images à l'homme qui a fait évoluer dans la boucle, qui a fait évoluer la perception, donc les représentations des actions. Donc, ce que je disais, en gros, c'est ça, là. Donc, je sais qu'il y a un neurobiologiste, il faut m'excuser, donc, hein, je ne suis pas une neuroscience, hein, on observe le cerveau, on peut regarder sa structure, etc. Mais en gros, ça, c'est le néocortex. Et ce qui a l'air d'être vraiment scientifiquement accepté, c'est que chaque fois qu'un pattern arrive, qu'un signal arrive, et c'est surtout, la construction se fait entre 0 et 6 ans, une grosse partie, il y a des connexions synaptiques qui se font, hein, lorsqu'un signal arrive, un son, une odeur, vous avez des connexions ici, sur l'axone ici, hop, il y a un petit lien qui se fait, si ce signal revient plusieurs fois, il y a le renforcement, et à ce moment-là, ça renforce une connexion, alors que d'autres se défendent. Donc le système, le cerveau, quelque part, il y a des structures, des routes, des autoroutes qui se font, et tout au long de la vie, il y a des connexions qui se font, qui se défont, qui vont stocker, qui vont permettre à des signaux électriques, des spiking, des décharges, de représenter cet environnement et puis de faire, bien sûr, tout le raisonnement, etc. Est-ce qu'on pourra aller jusqu'à la conscience? Il y a des conférences qui sont là-dessus. On en est encore très loin, mais on commence à faire des systèmes neuronaux avec des tailles de plusieurs milliards de neurones. Nous, on a 100 milliards de neurones, hein, 50 milliards grises et blanches. Donc, voilà, un exemple spectaculaire, c'est on donne ce genre d'image à un réseau neuronal artificiel qui va faire des traitements mathématiques qui sont des sommes en fait, des convolutions, et qui va, en connectant les différentes sorties, se représenter cette image à différents niveaux. Et c'est ce qui a donné l'algorithme AlphaGo qui a battu le champion du monde au jeu de Go, ce type d'algorithme. Et c'est ce qui donne ce type d'image, ça s'appelle donc le deep learning, la méthode. Et ça, c'est Deep Dream, le rêve profond. Hein. C'est Google qui avait fait ça. Et c'est un réseau de neurones qui a été entraîné, on lui a montré plein d'images d'oiseaux ou de serpents ou de ceci. Donc lui, il s'est créé dans ces réseaux de neurones. Voilà. Ma réalité, c'est ce que j'ai vu. Quoi. Et ensuite, on lui montre une image de forêt. Et bien lui, il va la synthétiser à partir de ce qu'il a stocké. Donc il va retrouver dedans ses patterns. Donc vous avez cette image aussi qui est connue, ça c'est une image de galaxie, et quand on la regarde de près, mais ce réseau de neurones fait... Voilà. Donc ça c'est 2014-2015, cet algorithme a été inventé par Yann LeCun, un Français qui était à l'INRIA à Paris, qui est parti aux États-Unis, qui a enseigné à New York University, qui a été embauché patron de l'IA chez Facebook il y a un an et quelques, et l'IA, le patron de l'IA de Facebook est à Paris, et l'équipe est à Paris. Alors, quand on dit que la France n'est pas au top, hein, je peux garantir en tout cas que sur ces algorithmes, les chercheurs français, avec l'école normale sup, centrale et les écoles parisiennes, voilà. Alors Facebook, qu'est-ce qu'il va en faire? Ben, il va en faire essayer de mieux cibler l'ensemble des individus, de comprendre chaque fois tout ce qu'on fait pour pouvoir cibler, aider à traduire en tous les sens. Voilà, donc ça c'est des exemples de Deep Dream. Et là, pour terminer, c'est le plus spectaculaire. Donc ce sont ces travaux qui ont été repris en Chine et aux États-Unis, qui aujourd'hui sont le cœur de travaux chez Google, et d'une initiative open source, l'open AI. On peut espérer, justement, par rapport à ces courbes-là, que voilà, y a un des enjeux fondamentaux, c'est qui va contrôler ça. Quoi. Et Stanford a lancé un programme de recherche sur 100 ans, pour essayer de voir qu'est-ce qu'elle allait se faire. Et Google, et entre autres l'initiative OpenAI, a dit, bon, mais on va mettre en open source parce qu'on ne peut pas le garder pour une personne, c'est trop, on joue trop. C'est un peu comme breveter l'ADN derrière. Donc l'éthique là-dedans, l'éthique, vous savez, en biologie synthétique, ou ne serait-ce que dans ces domaines-là, le juriste ou l'éthique ne peut pas suivre l'évolution technologique et scientifique. Mais aujourd'hui, c'est la planète entière, le chercheur qui est connecté, et quelque chose se fait, hop, ça passe à côté immédiatement. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. L'homme, la planète n'a jamais été très tendre, on a vu ses guerres. Mais en tout cas, je pense qu'il faut le regarder, le surveiller. Donc là, ce tout dernier système, ça s'appelle les Generative Adversarial Network. Donc Hervé, qui va me présenter tout à l'heure, encadre un ancien étudiant, un étudiant qui vient du MIT dans ce domaine-là. Je ne sais pas si tu pourras en parler trop. Donc ce sont les systèmes les plus avancés qu'on construise. Ce sont des systèmes où il va y avoir un générateur. Donc on parle de art génératif, de quelque chose qui génère. Ces générateurs, en fonction d'images vues, vont fabriquer des nouvelles images. Ou en fonction de textes ou de sons vus, vont fabriquer au hasard des choses. Et c'est un réseau de neurones. Et ce générateur va être en compétition avec un deuxième réseau de neurones, qu'on appelle un discriminateur, qui lui doit essayer de savoir si ce qu'on lui donne, ce que lui donne le générateur, c'est quelque chose, c'est un fake, c'est un faux. Ou est-ce que c'est quelque chose qui faisait partie du jeu de données, effectivement. Donc, savoir si l'autre, enfin le discriminateur, va juger ou pas si le générateur est capable de synthétiser, de fabriquer, par exemple, des images qui seraient tellement vraies qu'on pourrait les confondre avec des images réelles qui a servi à l'apprentissage du générateur. Ça va ? Mm-hmm. C'est un peu tordu, les compteurs. C'est peut-être ça qui se passe un peu dans notre cerveau, enfant, quand il faut se créer les représentations de qui je suis moi, qui est l'autre, qu'est-ce que c'est un son, qu'est-ce que c'est un bruit, comment ça se construit, ces premiers patterns. En tout cas, vous allez voir ce que, en faisant ça, on est capable de faire. Et donc la question, bon, c'est provocatrice, est-ce qu'ils peuvent créer ou peuvent imaginer? Je vais vous montrer les choses qu'ils créent, ou est-ce qu'ils imaginent? Alors imaginez ce que dit très bien Don Foresta. L'intuition créatrice, l'intuition c'est l'instinct articulé aux connaissances. C'est-à-dire que notre instinct, on va dire s'il est dans le cerveau reptilien, il a été construit à la naissance, on a ça qui est construit. Et puis on va se faire un certain nombre, on va avoir un certain nombre de connaissances, on va construire des représentations des connaissances. Et une intuition chez un artiste, ou chez un scientifique, c'est pareil, par les sciences là, l'intuition. C'est quelque chose qui... C'est un éclair qui passe à travers ça. Donc, dit comme ça, et redit, reformulé dans la thèse d'Edwige Jarmant, que je vous incite à lire. Très très bien expliqué là-dessus. Donc cette intuition, ces machines-là, en fait, si on considère qu'elles se créent elles-mêmes leur représentation, et qu'ensuite elles fabriquent en fonction de ce qu'elles ont stocké les choses, on peut dire que quelque part, elles déclenchent une intuition. Quoi. Elles n'ont pas le système émotionnel. Or, on sait que dans notre cerveau, tous les signaux qui arrivent dans ce néocortex, ils passent avant par le système émotionnel, donc on le voit, on le ressent de manière complètement différente. La même information, vue dans un certain état psychologique, mental, et avec une activité, donc des neurotransmetteurs différentes, sera différente. Donc en gros, le principe, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais en gros, imaginez qu'on ait des images comme ça, un ensemble d'images, on va construire en fait des distributions de probabilités. Est-ce que ça... Voilà, ça va donner un espace comme ça. Est-ce que ce point ici, eh bien, ça ressemble à l'image, ça ressemble beaucoup à l'image initiale, ça un peu, ça pas du tout. Voilà. Donc en fait, si on va faire un traitement global sur l'image, on ne va pas dire il y a telle couleur ou ceci, on va essayer de trouver des propriétés. C'est ce que va faire le générateur. On va lui donner des milliers, des millions d'images. Il va construire des choses, puis ensuite on va lui donner un bruit blanc, comme si on lui faisait fermer les yeux. Il n'a plus rien entré, et là il va produire quelque chose en sortie. Il va faire fabriquer, il va recracher quelque chose. Si par exemple il recrache ça, ou ça, en sortie, le discriminateur, le deuxième réseau de neurones, va devoir mettre une note. Et ici, 0,13, il va dire, ben celui-là c'est pas bon, ça fait pas partie du jeu de données initiales, t'es trop loin de quelque chose qui pourrait être réel. Là, ce qui est réel, c'était des images de manga, par exemple. Et donc, si l'autre, ce réseau fait ça, on va dire, ah oui, là je te mets en 1. Le maximum, c'est 0,1. Voilà, en gros, on simplifie le principe. Parce que ce dont je vous parle, dans les 30 ou 50 prochaines années, on va continuer à en parler. Parce que ce système-là, c'est, ça fait un pas vraiment. Donc ça permet de faire des choses comme ça. C'est quand même là, quelques résultats un peu étonnants. Il y a énormément de mathématiques derrière pour faire fonctionner ces systèmes. Ça permet, par exemple, de faire des traductions de textes vers des images. Donc en entrée, vous tapez un texte, en sortie, vous avez une image. En entrée, vous tapez le petit oiseau bleu, il a un bec pointu et du marron sur les ailes. Et puis, ben voilà, l'autre, il a les yeux fermés, il récupère ça, il a eu tout un tas d'associations, parce qu'il a vu tout des milliers d'oiseaux, hein, comme ça, il a vu du blanc, du jaune, etc. Et il va vous produire un ensemble d'oiseaux. Aucun de ces oiseaux n'existe. Correspond à aucune espèce. Mais c'est des choses qui ont été synthétisées, que le discriminant, le maternateur, a considéré comme pouvant être réelles en fonction des expériences qu'avait accumulé le réseau générateur. Donc, là, je pense, si vous pensez, McCormack et ces généaux, vous voyez, ces réseaux génératifs comme ça, et en fait, par rapport aux réseaux, dans les réseaux qui ont montré, ce sont des humains qui sont derrière là. Là, ici, c'est un jeu, c'est un peu de... Il y aurait comme s'il y avait eu que des robots, en fait, en faisant le lien, comme si chacun de ces pixels, de manière distribuée, avait été fait que par des robots, mais qui ont perçu, à qui on a donné des images du monde. Donc c'est, voilà, ici vous avez un autre dessous, hop, pour avancer assez vite, voilà, un autre texte vers l'image, cette fleur rose, blanche, avec un cœur, ceci et cela, et vous avez ici les différents... GAN, donc GAN c'est Generative Adversarial Network, c'est des réseaux de neurones compétitifs adversaires, et voici ce qui est fabriqué. Ben on se dit, tiens, c'est quand même pas mal. Et j'ai trouvé tout à l'heure en venant, depuis hier soir, je me demandais comment faire comprendre, ce réseau, on lui a donné des images, etc., et ensuite on lui donne une distribution uniforme de probabilité, ce qui fait l'histoire de on ferme les yeux. C'est un peu, hein, je ne sais pas si c'est Hervé, si tu pourrais... D'accord, il y a une métaphore, mais cette distribution-là fait qu'il va avoir une activité qui va rebalancer dans les poids ce qu'il a déjà vécu. Et donc il va projeter. C'est là que, est-ce que c'est imaginé ou créé? Bon, il faudrait voir les derniers travaux d'artistes du MIT. Là, par exemple, c'est spectaculaire aussi, image vers image. C'est que si c'est, ça, c'est l'image en entrée, et ça, c'est la sortie. Parce que la sortie, ça devait être parmi des images réelles. Donc il a vu des milliers d'images de voitures, d'arbres, ceci et cela. Donc on lui donne ça, il produit ça. On lui donne cette photo, il produit ce plan. On lui donne cette façade, là, il produit cet immeuble. Aujourd'hui, ces programmes travaillent sur des dizaines de millions d'images, là, sur le web. Avec soit le mode supervisé, c'est-à-dire on lui dit ça c'est un chat, ça c'est ceci, ça c'est cela, et vous avez déjà remarqué quand vous cliquez dans les chapkas, on vous dit où est le chat, où est le truc, ça sert à faire apprendre chez Google ces programmes. Hein. C'est pas neutre derrière. Hein. C'est réel ça. Hein. Parce que là c'est des vrais hommes qui aident le système à s'améliorer. Et sinon ce sont des gens qui classifient des images. Soit dans les exemples précédents, c'est l'apprentissage tout seul. Ce qu'a fait Google, le premier résultat avec ça, c'était il a montré des millions d'images d'Internet. Et le réseau a trouvé le chat, parce que c'est là où il y a le plus d'images de chats, en fait, il y a 5 ans. Hein, ça, donc il a créé le concept de chat, pas le concept, mais une architecture de codage qui fait que ça ressemble à un chat, quel que soit l'angle de vue. Et c'est bien ça qu'on doit faire. Un bébé, quand même, il ne sait pas, après il voit un chat, voilà, il y a tout. Ça forme. Deuxième chose, donc là, c'est des exemples qui ont été faits sur des travaux de texture, là. Donc, vous regardez, si vous regardez les noms, il y a beaucoup de Chinois qui sont soit aux États-Unis, soit en Chine qui travaillent là-dedans. Donc là, c'est du travail fait sur les tableaux, des textures où on peut synthétiser, associer, synthétiser avec différentes formes. Ça, c'est des réseaux GAN cycliques. Donc, c'est très, très récent aussi, les papiers. Il est du 4 octobre, le papier, là, celui-là. Donc, c'est la capacité de passer... d'un tableau à une photo, ou d'une photo à un tableau. Voilà. C'est-à-dire que le générateur, vous donnez un tableau de Monet, et donc le générateur va se configurer pour capturer le style de Monet. Voilà. Et ensuite, on va donner des photos là-dessus, et en sortie, il va donner des choses, et le discriminant, si je donne une photo, le discriminant, il va dire, mais cette photo-là, il faut qu'elle ressemble à Monet. C'est ça qui fait que je reconnais ou que je ne reconnais pas. Donc il va obliger pour une photo donnée, le générateur de fabriquer le tableau de Monet avec cette photo. C'est comme ça que c'est fait ici, on peut faire ça. Je donne ça au système et je lui dis, mais ça doit être des chevaux. Et donc, à ce moment-là, il va fabriquer ça. C'est la même image, mais c'est des chevaux. En été ou en hiver, d'une photo vers un tableau de Monet, voilà, ce passage-là, d'un cheval vers un zèbre, à l'intérieur d'un décor. Voilà. Donc là, il faut voir qu'il y a quand même un saut énorme, hein, d'une photographie. Donc ça, c'est une photographie, ici. Et après, eh bien, il va le faire, Monet, Van Gogh, Cézanne. Voilà. Mais ce n'est pas des filtres à la Photoshop, ça. Hein. Ça n'a rien à voir, le filtre à la Photoshop. Hein. C'est la structure, c'est les caractéristiques des styles de traits qui sont pris. Voilà. Et donc je termine là-dessus, parce que c'est étonnant, vous pourrez aller voir cet artiste qui, depuis très peu de temps, donc ça date de 2014, et certains travaux de 2017, de cet été et d'octobre. Ce visage-là, donc, puisque on parle de générativité et humanité, c'est la session de ce matin, donc ça va servir à raccrocher. C'est généré par un GAN, voilà, ce visage n'existe pas. Et ce visage, il est issu de l'apprentissage que fait Mike Tika sur des ensembles de visages. Alors on peut faire du 2D, du 3D. Hein. Et voilà, c'est quelque part, les yeux fermés, son GAN, il imagine ça. Voilà ce type de visage. Alors voilà, c'est étonnant. Et puis alors, la question, mais là, je sais pas, des émotions, on verra ce qu'en diront les autres. Mais parfois, moi, je sais pas, moi je l'ai vu en grand. Je sais pas, par exemple, le fait que ça exprime une souffrance, si ça transmet une émotion, voilà, est-ce que c'est une création qui transmet une émotion, comme le fait là ou pas, voilà, là c'est un domaine, c'est plus mon domaine, parce que c'est cet aspect, mais c'est quand même, regardez, ces images-là, elles sont étonnantes, c'est très très très récent, hein. Voilà, donc ça c'est pas les yeux d'Edwige, mais je n'ai pas encore fait le traitement avec. Voilà, donc ça, ce sont les systèmes d'apprentissage. Donc on essaye de faire évoluer des machines, de les faire pousser, et peut-être de leur faire apprendre. Bon, il y a encore beaucoup, beaucoup de problèmes là-dessus. Et juste pour donner la dimension vers où on va aller côté recherche et côté réalisation, aujourd'hui, les entreprises vont sortir, vous allez le voir dans les mois à venir, des puces neuronales. Donc ces dernières machines-là possèdent une puce neuronale à l'intérieur qui fait 600 milliards d'instructions par seconde. C'est comme ça que la reconnaissance de visage sur le futur iPhone qui va sortir est faite. Reconnaissance de visage, vraiment, avec des... comment ça marche. Intel a annoncé la semaine dernière, peut-être deux semaines, la sortie de son processeur neuronal. Donc on va avoir des machines comme ça, qui non seulement ont une unité centrale, ont un calculateur graphique pour faire des jeux 3D, mais vont avoir un processeur neuronal pour faire ces traitements que j'ai montré. Donc la caméra va y voir et va pouvoir apprendre comme ça. Donc vous pourrez faire apprendre votre pièce chez vous et ça donne des applications qui auront un saut technologique par rapport à toutes les APP qu'on a aujourd'hui, c'est une deuxième branche. Et puis la branche la plus surprenante, ça va être la biologie synthétique, c'est le fait de programmer des cellules vivantes. Il y a de la salle, des chercheurs de Lyon, qui est dirigé des projets européens, qui dit que dans les 30 à 50 prochaines années, on va faire les mêmes progrès en biologie synthétique qu'on a fait en informatique depuis les années 70. On va écrire des couches logicielles de programmation pour faire en vrai au niveau du code génétique. Et on sera capable de dire, mais voilà, je voudrais faire une graine d'un arbre, d'un baobab, par exemple. Quand je vais planter cette graine, ça va pousser et il y aura un escalier en bois, il y aura une porte en bois, une table en bois, des verres en bois. Parce qu'un code génétique de plante est très capable de le faire. Regardez un arbre qui fait pousser des pommes, des choses comme ça. Vous avez vu, le code génétique de la première cellule, il est tout petit. Et il arrive à faire tout ça. Donc on devrait arriver avec bien des couches de programmation à programmer le vivant pour synthétiser ce genre de choses. Voilà, est-ce que ça donnera des émotions? Est-ce qu'on va jouer avec le temps? Je ne sais pas, je termine là-dessus. Bien, merci Yves. On a pris énormément de retard. Très rapidement, deux, trois questions grand maximum, et les discussions pourront continuer pendant la pause, qu'on va réduire aussi, puisque théoriquement, on devait finir à midi, et qu'il est déjà 11h30, et qu'il reste encore une séance. Voilà. Des questions? Non, merci. Je plaisante. Vas-y, oui. C'est justement pour rebondir un petit peu sur la, sur les remarques terminales d'Yves Dutas sur le rôle des émotions, sur les émotions. On sait que dans le cerveau humain, la prise de décision se fait en prenant en compte les expériences antérieures et les émotions. Donc on a les éléments du souvenir, les émotions, qui vont orienter la prise de décision. Et je me pose la question de savoir comment implémenter quelque chose de cet ordre-là dans des systèmes qui mettent en place de la neuromimétique. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être implémenté pour justement améliorer la prise de décision? Seul projet que je connais, qui était très, très ambitieux et qui n'a pas donné grand-chose à la fin, c'était mené au Lipsis à Paris, c'était le Psychapart, sur lequel ils ont voulu simuler un système hormonal complet pour pouvoir faire apprendre un rat à sortir d'un labyrinthe, un rat qu'ils ont fabriqué avec des capteurs, tout un tas de choses. Et puis, je pense qu'ils ne sont pas arrivés à faire ça. Mais il me semble qu'il faudrait pour cela simuler le système hormonal, mais ça veut dire aussi simuler sûrement le rôle des bactéries. Et je crois qu'on en est encore très très loin. Le système hormonal, c'est juste l'interface entre le système qui gère les émotions et les structures du système nerveux central. Voilà. C'est juste le véhicule. J'ai dit système hormonal, mais tous les neuromédiateurs, l'action des neuromédiateurs, etc. Mais ça encore, c'est de la médiation. C'est pas du tout les structures qui perçoivent, qui gèrent les émotions. C'est juste le relais. Voilà, mais bon, là, moi je pense qu'on en est, très loin. C'est beaucoup plus simple de faire ces algorithmes GAN qu'on a vus, où on met des images, on fait du calcul, et on imite sûrement un certain niveau de fonctionnement, une autonomie possible, et on n'est pas bien inspiré dans la manière, dans le support, dans la structure pour le faire. Ce que j'ai montré avant, c'est justement, on part du bas, et puis on essaie de construire les cellules, de construire ces niveaux. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir construire la première cellule telle qu'un processus d'autopoïèse produise ça. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé sûrement dans l'évolution, c'est que c'est le système qui fabrique ses composants, qui fabrique ses processus, qui refabrique le niveau dessus, etc. Et c'est ça qui a dû faire arriver à construire tous les organisations des êtres vivants. En tout cas, on n'a pas d'autres approches. Et le système émotionnel, en fait l'épigénétique qui va être liée entre l'interaction entre cet être qui naît et son environnement, ça c'est d'une complexité. Pour ça que par rapport aux émotions, je trouve, moi je me présente des choses qui sont spectaculaires, parce que c'est fun, c'est joli, mais par rapport au thème des émotions et de la création, je ne connais pas de travaux dans mon domaine qui puissent s'approcher de ça. Bien, écoutez, je vous propose de continuer la discussion autour du café.